Bonsoir, bonsoir, bienvenue, il est 20h35, ravi de vous retrouver sur Arc-en-Ciel pour la Red Argus Sport version classique. Ça y est, le Red Argus Sport 2 était terminé, on revient sur les émissions standards, voilà, donc 19h, 20h30, 22h30, voilà, 20h30, 22h30, avec Manu, que je salue, qui est de retour aussi pour la reprise. Voilà, donc ce sera l'habitude de retrouver cette horaire classique. On va avoir un beau programme ce soir, je le disais il y a quelques secondes, puisqu'on aura évidemment le début du mondial de rugby avec cette rencontre face aux Blacks dominée par les Français. On reviendra sur les autres matchs aussi du week-end. Ce qui arrive cette semaine, il y a encore des belles choses à venir. On aura du foot aussi évidemment avec la suite des qualifs pour l'Euro, avec la victoire française face à l'Irlande. On parlera du match de l'Allemagne demain en amical. On parlera de l'équipe de France Espoir qui a remporté aussi son premier match de qualification tout à l'heure. C'était face à la Slovénie, victoire 4-0. Les débuts de Thierry Henry, donc on en reparlera aussi. On sera avec Hugo d'ailleurs pour évoquer toute cette partie foot, hein, tous les qualifs, les bleuets, et puis également le retour bien sûr des championnats ce week-end. On aura de quoi faire tout à l'heure. On aura du tennis évidemment aussi avec la victoire de Novak Djokovic hier, finale de l'US Open, 24e titre pour lui, qui égale le record de Margaret Court. Voilà, on verra la suite pour lui. Ce sera dès le mois de janvier avec l'Open d'Australie. On en reparlera tout à l'heure aussi. On aura du volley, puisque en direct c'est le quart de finale de l'Euro volley masculin avec l'équipe de France qui affronte la Roumanie. Ça se passe bien pour l'instant pour les Bleus, puisqu'ils viennent d'empocher le premier set il y a quelques minutes. Non sans mal, hein, puisque ils ont été un peu bousculés jusqu'au milieu du premier set, et puis finalement ils ont réussi à prendre l'ascendant en fin de set. Et puis là, ça se passe très bien pour le début du second set, puisqu'ils mènent 5-0 déjà. Donc tout va bien pour les Bleus, qui pourraient se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. On en reparlera tout à l'heure, bien entendu. Du basket aussi, avec la victoire de l'Allemagne, qui devient donc champion du monde pour la première fois, en battant la Serbie. On parlera aussi des États-Unis battus dès la demi-finale, et un nouvel échec en Coupe du Monde. Et puis on aura du handball aussi, début des championnats, ça y est, avec la Star League qui a démarré. On parlera de Saran notamment, battu pour sa première rencontre dans le retour à l'élite du côté de Rennes. On en parlera aussi tout à l'heure. Et puis on aura aussi bien sûr l'actualité sport mécanique, Formule 1, MotoGP, voilà, et puis aussi rallye. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses ce soir. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, j'allais dire. Il y a encore autre chose, mais il y a déjà de quoi faire avec tout ça. Donc un programme jusqu'à 22h30 qui nous amènera jusqu'à 22h30. À la fin de cette première heure, bien sûr, on passera la main sur le foot avec Hugo, qui nous rejoindra. Et puis en fil rouge, bien sûr, ce match de l'équipe de France de volley, donc qui affronte, on le disait, la Roumanie, 6-0 pour l'instant, et 6-1 à l'instant, puisque ce service est manqué et il est arrivé dans le filet. Mais voilà, ça a une belle série pour lancer ce second set, donc tout va bien. D'autres directs aussi dans quelques minutes, hein. Il y aura donc les qualifs de l'Euro suite avec 4 rencontres. On aura Lettonie-Pays de Galles, on aura Portugal-Luxembourg, on aura Slovaquie-Liechtenstein et on aura Islande-Bosnie-Herzégovine. Ça démarre dans 5 minutes. On aura aussi l'USO qui jouera tout à l'heure à partir de 21h, qui reçoit Le Mans à la source. Ce sera à suivre sur Canal Plus Foot si vous souhaitez suivre la rencontre. Et puis tout à l'heure, non, c'est la pause, c'est pas fini, c'est la pause dans l'autre rencontre entre le Red Star et Rouen. 0-0 pour l'instant dans cette rencontre, donc qui compte pour la 5e journée nationale. Voilà, on rappelle qu'elle a démarré vendredi et qui se termine ce soir avec toutes ces deux rencontres. Voilà, donc le fil rouge avec toutes ces affiches que l'on suivra. Donc plein de choses, plein de directs. Et voilà, puis les rappelle que l'équipe de France tout à l'heure Espoir a battu Slovénie 4-0 pour le compte de l'Euro Espoir. Voilà le programme, donc de belles choses ce soir. On aura Hugo, je le disais tout à l'heure, dans une heure, un peu moins d'une heure maintenant, pour évoquer toute l'actualité foot. Et puis du son comme d'habitude, toutes les pauses, c'est vous qui les programmez côté musique. Et puis je rappelle aussi que pour nous écouter, c'est simple, ça se passe sur le Facebook, vous retrouvez le live, l'arrêt d'Arc du Sport sur le site radio-arc-en-ciel.com ou bien également sur la station 96.2. Voilà, si vous êtes en voiture par exemple, bah, n'hésitez pas, vous pouvez donc nous écouter partout en France, partout dans le monde avec le site bien entendu. Allez, on marque une pause et on revient juste après pour démarrer. Voilà, il y a plein de choses qui nous attendent, donc on va pas perdre de temps et on revient juste après donc pour cette première partie. On aura pour démarrer la Formule 1 et la MotoGP, championnat du monde qui continue. On en parle juste après ce premier titre. Ça s'appelle She Drives Me Crazy. C'est le groupe Fine Young Cannibals pour démarrer côté musique. On se retrouve dans 3 minutes 30. À tout de suite. Petit souci technique, il semblerait qu'on a une petite panne d'internet avec les orages. Désolé, on va du coup enchaîner et on reprendra le son tout à l'heure. Du coup, on va du coup revenir sur les directs que l'on suit avant de démarrer le programme. Donc on rappelle qu'on suit le volley toujours, hein, France-Roumanie, c'est sur les quarts de finale de l'Euro volley masculin. Ça va très bien pour les Bleus qui désormais mènent 10-3 dans ce deuxième set. Donc tout va bien après avoir empoché le premier set tout à l'heure. Hein. Donc tout va bien pour les Bleus qui semblent se diriger tout droit vers une victoire tranquille. Pour l'instant, en tout cas, ça semble être le cas. On va suivre ce deuxième set donc, et puis bien sûr ensuite on aura le troisième set à venir. On espère que ce soit le dernier. On est à 11-3 désormais. Vous voyez, ça défile, les points défilent, hein, ça va très très vite. Tout va bien pour l'instant pour les Bleus. On commence ce programme avec actualité sport mécanique, avec notamment la Formule 1, championnat du monde de Formule 1, avec championnat du monde donc également de MotoGP, et puis un mot aussi de rallye avec le championnat du monde de rallye qui se poursuit. Côté MotoGP, on avait un grand prix hier, c'était le grand prix de Saint-Marin, victoire donc de Jorge Martin, l'espagnol, qui s'est imposé sur Ducati avec les deuxièmes places pour les Italiens Bettici et Bagnaia, qui était de retour, hein, on rappelle, avec sa chute spectaculaire le week-end dernier. Il est revenu déjà et il a terminé troisième, encore une fois l'Italien qui est revenu en forme. Pedrosa quatrième, les Français Joan Zarco loin dixième, Quartararo treizième, loin du compte dans cette course. Bagnaia qui est toujours leader avec 283 points, deuxième place c'est Jorge Martin, 247 points. Il y a encore une belle avance l'Italien au classement. Le grand prix suivant, ce sera le grand prix d'Inde, pas dimanche de cette semaine mais la semaine prochaine. Voilà, on change de continent, donc on aura une pause d'une semaine entre les deux. Donc grand prix d'Inde, ce sera le 24 septembre. En rallye, championnat du monde des rallyes, nouvelle étape hier, c'était du côté de la Grèce, rallye d'Acropole. Victoire une nouvelle fois du Finlandais Cole Rovenpera sur Toyota. À noter que Sébastien Ogier était présent du côté de la Grèce pour ce rallye. Voilà, il était de retour sur cette étape. Il était en tête jusqu'à hier et malheureusement une crevaison l'a contraint à non pas abandonner, mais finalement à presque, puisqu'il a terminé dernier, à plus de 11 minutes de la tête donc de son coéquipier sur Toyota. Donc 10e place pour Ogier, qui était donc présent sur l'étape de Grèce. Sven Parra toujours leader largement avec 200 points. Et Evans deuxième, 167 points pour le moment en tête donc de ce classement. La prochaine étape, le Chili, ce sera dans 3 semaines, fin septembre, début octobre, pour l'un des 3 derniers rallyes de la saison. Pour l'instant donc, Sven Parra toujours en passe de conserver son titre de champion du monde. Et puis en Formule 1, avec la 16e manche de la saison, c'était en Italie la semaine passée. Verstappen qui était, on rappelle, encore vainqueur, 10e Grand Prix consécutif, nouveau record. Et puis la suite se passera à Singapour sur le circuit de nuit, hein, on rappelle. Ce sera dimanche, donc au Grand Prix de Singapour, pour la passe de 11 pour Verstappen, incroyable. Peut-être donc Singapour, il y aura le Japon ensuite. On va rester en Asie un petit moment avec ces grands prix, donc jusque mi-octobre, on sera du côté de l'Asie avec Singapour et Japon, donc au programme donc de cette saison, avec un Max Verstappen qui pourrait être très rapidement champion du monde, pourquoi pas dès Singapour, dès dimanche, en fonction des résultats de ses poursuivants, notamment Perez ou encore Alonso. On le verra en tout cas ce dimanche au Grand Prix de Singapour. Voilà les infos en sport mécanique. Les directs, le direct surtout qui nous intéresse, c'est bien sûr le volet avec France-Roumanie. Toujours largement devant les Bleus qui mènent 15-7 désormais. Donc toujours un avantage de plus 8. On rappelle les Bleus qui ont remporté la première manche 25-22. Et puis là, donc ils semblent filer tranquillement vers le gain de cette deuxième manche. Et puis dans les autres matchs de foot cette fois, c'est parti donc sur toutes les pelouses dans ses qualifications à l'Euro, avec Lettonie, Pays de Galles, on rappelle, Portugal, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein ou encore Islande, Bosnie. Et puis en national, le Red Star, qui est leader de ce classement national pour le moment, eh bien, est en train de mener sur sa pelouse face à Rouen, 1-0 à l'instant. Et puis tout à l'heure, dans un peu plus de 10 minutes, l'USO reçoit Le Mans pour donc sa rencontre de cette 5e journée. Ce sera sur Canal Plus Foot pour suivre le live. Voilà les directs donc pour ce soir. On poursuit donc avec la suite du programme. On va maintenant parler donc de volley avec, on rappelle, cette équipe de France qui joue en direct hein, pour se qualifier peut-être pour les demi-finales de l'Euro. Les Bleus qui sont sortis vainqueurs, premier de leur poule, en ayant toutefois perdu une rencontre. C'était face à, justement à cette équipe de Roumanie. Voilà pourquoi la rencontre était un petit peu piégeuse ce soir. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, ils ont terminé en tête. Et puis, une victoire face à la Bulgarie, le pays hôte, vendredi 3-0, sans problème, alors que les Bleus avaient vu leur calendrier un peu être chamboulé, puisque ce match devait avoir lieu samedi. Les Bulgares, qui, on rappelle, est l'un des pays organisateurs, avaient demandé à avancer la rencontre. Chose faite, et donc un jour de récup en moins pour les Bleus, ce qui ne les a pas empêchés de s'imposer de meilleure manière, avec une victoire donc 3-0. Et puis donc le quart de finale en ce moment, donc en France-Roumanie. Et puis on rappelle que tout à l'heure, la Slovénie a battu l'Ukraine 3-7-1, donc dans l'autre quart de finale donc de cette Eurovolée. Et il y aura deux autres quarts bien sûr demain à 18h, Pologne-Serbie, donc l'un des favoris aussi, la Pologne. Et puis Italie, Pays-Bas aussi, l'Italie aussi favorite pour la victoire finale, donc qui affrontera les Pays-Bas. Voilà donc pour l'Euro. Donc tout va bien pour l'instant pour ces Bleus, on rappelle qu'ils ont remporté une fois hein, le tournoi l'Euro. En cas de succès, il faut savoir quand même que la France pourrait rencontrer l'Italie ou les Pays-Bas en demi-finale. Voilà, ce serait à Rome et ce serait jeudi en cas de succès. Voilà, donc un gros combat peut-être, probablement face à l'Italie, avant peut-être de retrouver pourquoi pas la Pologne en finale. On suivra. En tout cas, il y aura déjà cette rencontre de demi-finale si les Bleus bien sûr continuent pour l'instant leur parcours. Pour l'instant, il y a 19-9, hein, plus 10, voilà, c'est vraiment une démonstration des Bleus qui avaient eu beaucoup de mal. Hein. Enfin, c'est même Romain en phase de poule avec une défaite 3-1, mais là ils ont vraiment pris le match par le bon bout et voilà, plus 10 et voilà, et ça se passe relativement bien pour ces Bleus qui, on espère, ne vont pas perdre trop de plumes. On espère une victoire 3-0 pour être voilà, le plus frais possible pour cette éventuelle demi-finale. Et 20-9 désormais, voilà, tout va bien. Tout va bien pour cette équipe de France. Notez aussi que du côté de l'Euro féminin, qui avait lieu il y a quelques jours, c'est la Turquie qui s'est imposée en finale en battant la Serbie 3-7-2 au tie-break. Et c'est le premier titre pour les Turcs donc dans leur histoire. Elles ont dominé donc les Serbes donc dans cet Euro féminin. Et les Pays-Bas, de leur côté, ont remporté le bronze, la troisième place. Voilà pour le volley. On poursuit avec le reste du programme. Notez que on suit toujours aussi les matchs de foot qui sont en direct. Hein. Vous pouvez d'ailleurs en suivre également sur la chaîne, sur l'équipe live, c'est le Portugal-Luxembourg que vous pouvez suivre. 0-0 toujours. La Slovaquie a déjà ouvert le score dès la première minute face au Liechtenstein. 1-0 donc pour la Slovaquie. Les autres matchs, pour l'instant, pas de but. Donc dans les autres matchs, Islande-Bosnie, Lettonie-Pays de Galles ou encore Portugal-Luxembourg, la nationale reste à 1-0 face à Rouen. Et USO démarre dans 8 minutes maintenant son match. Retour aussi de la Ligue de Diamants en athlétisme, où il reste deux étapes désormais. Il reste même une étape, mais voilà, il y avait encore deux étapes après les mondiaux. Le meeting de Bruxelles qui avait lieu ce week-end, vendredi, avec voilà, notamment Armand Duplantis, encore vainqueur sur le concours de la perche, encore une barre à plus de 6 mètres, 6 mètres 10, encore incroyable pour le Suédois, 6 mètres 10. Deuxième place pour Kendricks, qui a lui passé 5,92. Les Français, Thibaut Collet, 7e, 5,82 de son côté. Voilà, donc encore une fois, Duplantis, qui a été plus que performant avec une barre à 6,10. Incroyable. Et voilà, sinon, pas de Français dans les autres disciplines notées. Et puis, il restera donc un dernier meeting. Ce sera Eugene aux États-Unis et ce sera ce samedi pour clôturer cette saison de Ligue de Diamants, avec au programme les 100 mètres, 200 mètres, 400, enfin toutes les disciplines, 400, 800 seront programmées, 5000, les hauteurs, les concours, tous les concours disponibles, enfin voilà, vraiment, là on aura un peu de tout, enfin on aura vraiment toutes les disciplines, à l'inverse des autres meetings où il n'y a pas toutes les disciplines à chaque fois, hein, mais là il y aura vraiment de tout sur cette dernière étape. Voilà pour l'athlétisme. On a récupéré le réseau, donc on va pouvoir repasser une petite pause avec notre titre et puis on revient après pour poursuivre du côté du reste d'actualité quand même encore du handball avec le retour de Saran. On va parler de Gien aussi, Fleury aussi, les Panthères qui reviennent malgré tout avec un championnat qui va reprendre pour elle dans des échelons bien plus bas évidemment, mais on va en parler aussi. On aura du basket avec la fin de cette Coupe du Monde, la victoire de l'Allemagne, le retour aussi bientôt des championnats, on va en parler aussi bien sûr, et puis avec du rugby bien sûr, le mondial, du tennis, l'US Open et puis le foot, voilà, encore beaucoup beaucoup de choses dans cette suite d'émissions. Et tout de suite on écoute à nouveau ce titre, cette fois-ci ça va être bon, Sidewise du Crazy Fine Young Cannibals pour ce premier titre. Donc c'est parti, on se retrouve donc juste après pour notre suite de programme. À tout de suite. Yeah. C'était à l'instant ce titre de Fine News Cannibals. C'était She Drives You Crazy pour ce premier titre. On est de retour pour évidemment la suite de cette émission. Ça bouge un petit peu dans tous les matchs. Évidemment le volet. Les Bleus ont empoché, ça y est, la deuxième manche. Ça a été assez vite dans cette deuxième manche, puisque les Bleus se sont imposés 25-14 finalement. Donc plus 11, et on attend dans quelques secondes le début de la troisième manche, qui sera, on l'espère, la dernière de cette rencontre qui compte, on rappelle, pour les quarts de finale de l'Euro volley masculin. Dans le foot, ça a bougé encore. La Slovaquie mène déjà 3-0 face au Liechtenstein. Première minute, troisième minute et sixième minute. Ça va très très vite dans cette rencontre. Le Portugal toujours 0-0 face au Luxembourg. L'Islande également toujours 0-0 face à la Bosnie-Herzégovine. Et la Lettonie également mène score face au Pays de Galles. Et en national, le Red Star mène 2-0 désormais, doublé pour Ben Ali face à Rouen. 2-0 donc à l'heure de jeu, et dans une petite minute c'est le début du match pour l'USO qui affronte Le Mans. Voilà dans ce match de la cinquième journée de National. Voilà évidemment, donc on va suivre cette rencontre aussi en direct, c'est sur Canal Plus Foot pour suivre donc la rencontre. Pour donc ces directs que l'on suit donc tout au long de la soirée. On va passer du côté du handball désormais. Le handball avec la reprise donc du championnat de Star League. Ça y est, c'était la reprise pour l'élite avec Saran qui, on rappelle, cette année encore une fois va revenir et de retour dans l'élite. On va bien sûr détailler aussi tout le championnat aussi dans un instant. On aura aussi un mot pour Gien aussi, toujours dans la poule de National 1. Voilà, on aura aussi l'occasion d'en parler après. Et puis Fleury aussi, également pour les Panthères, qui on rappelle reviennent tout doucement la saison dernière qui a été compliquée. On va aussi y revenir dans un instant pour les Panthères. Avant ça, donc Saran d'abord les Saranais qui revenaient dans l'élite avec donc une défaite pour démarrer cette reprise. Une défaite du côté de Cesson-Rennes. Le score 30-25. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est Paris qui avait ouvert le championnat en battant largement Limoges 37-27. Chartres aussi qui a pris une petite valise face à Montpellier 38-22 pour démarrer la saison. Victoire de Nantes à l'extérieur à Saint-Raphaël, notamment pour lancer cette première rencontre donc de Star League. C'était la première. On va pas parler de classement parce que c'était la première journée. La deuxième journée, c'est cette semaine avec Saran qui va démarrer à domicile au Palais des Sports. Ce sera la première au Palais des Sports cette saison avec un match face à Saint-Raphaël. Belle affiche pour Saran pour démarrer à domicile. Ça sera vendredi à 20h. Pour les places, mais évidemment, vous allez sur le site du club de Saran, évidemment, pour essayer de prendre les places. Et puis Paris notamment jouera à Ivry dimanche. Montpellier recevra Chambéry dimanche également, puisque il y aura le retour de la Ligue des Champions. Voilà pourquoi ces deux clubs joueront dimanche. Paris démarrera jeudi du côté de Szeged, jeudi, et donc pour Montpellier. De son côté, Montpellier recevra le FC Barcelone mercredi, cette fois-ci mercredi soir. Belle affiche pour lancer cette saison de Ligue des Champions. Et ensuite, il y aura leur rencontre de championnat dimanche pour donc et Montpellier à Nantes, malheureusement, ne figure pas dans cette Ligue des Champions cette année, puisqu'ils ont terminé à la troisième place. Mais on les retrouvera bien sûr dans les autres Coupes d'Europe. Démarreront un petit peu plus tard. Chez les femmes aussi, la Ligue des Champions a déjà démarré, notamment pour Metz qui a démarré par une victoire à l'extérieur face aux Hongrois de Ferencváros. Belle victoire pour Metz 38-25. Donc ils prennent déjà les devants dans cette dans ce groupe de Ligue des Champions. Et pour l'autre club qui est Brest, ça va démarrer par une défaite par contre, d'un petit but seulement face à Győr. Et ça démarre donc par une défaite. Brest se déplacera cette semaine, ce week-end, pour la deuxième journée, tandis que Metz, de son côté, recevra pour cette deuxième journée donc de Ligue des Champions, et évidemment aussi le championnat chez les femmes qui a aussi aussi démarré, bien sûr, avec pour le moment et bien Metz qui est toujours en tête, tout comme Nantes avec 3 victoires en 3 matchs. Voilà pour ce championnat, ce début de championnat, et on aura aussi Saint-Sarran, on avait pas reparlé, mais qui s'est qualifié pour la suite de la Coupe de France en s'imposant donc dans ce 16e de finale, donc qualifié pour les 8e de finale, les Sarranais, qui sera au mois de novembre. On en reparlera bien entendu d'ici là. Un mot de vol, et c'est parti pour la 3e manche pour les Bleus qui mènent, on rappelle, 2-7-0 face à la Roumanie pour les quarts de finale de l'Euro. C'est mal parti dans ce troisième set puisque la Roumanie mène 3-0 déjà. Voilà, ils ont fait un gros début de set et déjà un temps mort posé par l'équipe de France évidemment pour essayer de stopper l'hémorragie au service notamment. On parle aussi, voilà, pour donc Saran, on parle aussi de Gien qui a démarré aussi la saison en National 1, on appelle le troisième échelon au handball. C'était à l'extérieur pour démarrer à Rezé, le club déjà dans cette poule d'ailleurs l'an dernier, défaite 34-29 pour démarrer. Et puis Gien qui sera aux côtés de Saran aussi, de la réserve de Saran dans cette poule, et Saran de son côté s'est imposé à l'extérieur à Pouzauges pour lancer la saison. Il y aura aussi la réserve de Nantes, comme l'an dernier d'ailleurs. Il y aura Saint-Cyr, on aura aussi, on retrouvera Poitiers, on retrouvera Rennes, la réserve de Rennes, Cesson-Rennes également, la réserve de Cesson-Rennes, Ivry, ou encore Pouzauges, on le rappelle. Donc, deuxième journée, ce sera donc ce week-end, avec Saran qui va recevoir Cesson-Rennes. Voilà, donc il y a eu Cesson-Rennes-Saran en Star League, il y aura Saran-Cesson-Rennes en National 1 chez les réserves des pros. Donc ce sera samedi à 19h et ce sera à la Halle des Sports Mazuka, Jacques Mazuka, où jouait Saran, la première de Saran l'an passé, samedi à 19h. Et puis pour Gien, eh bien Gien jouera samedi également à 20h30 cette fois, toujours à la salle Curie à Gien, face à Poitiers. Ce sera samedi donc à 20h30 pour les Génois. Voilà pour donc cette saison pour Gien et pour donc la réserve de Saran qui retrouvera aussi cette saison donc cette nationale 1. Voilà, on espère évidemment un maintien au minimum pour Gien, pour essayer de rester toujours dans cette troisième échelon. On rappelle que le match se poursuit bien sûr pour l'équipe de France, avec donc toujours une avance de 3 points pour de 3 buts, pardon. Non, de 3 points, c'est ça. Pour la Roumanie, 4 points désormais, puisque désormais c'est donc 6-2 le score en faveur donc de la Roumanie face à la France, 6-2 avec les Bleus mènent donc toujours 2-7-0 donc dans cette rencontre. Et puis tiens, voilà Fleury, voilà pour terminer côté handball, Fleury avec une saison en National 1, on le rappelle, hein, là aussi après le dépôt de bilan l'an passé, le CJF et les Panthères repartent du côté de la National 1, la troisième échelon, comme Gien désormais. Ils ont démarré le championnat, ça y est, pour les Panthères, avec donc une reconstruction, on l'espère, très vite. Et c'est donc toujours la salle Albert Roger à Fleury. Les Panthères qui ont lancé donc leur championnat de National 1. Voilà, et on espère que ça va vite vite remonter pour essayer de revenir donc très vite dans les élites. On le suivra en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas encore j'essaie de retrouver un petit peu le calendrier. C'est pas simple pour retrouver tout ça dans ces divisions-là. On va essayer de retrouver le calendrier des Panthères. On rappelle cette semaine, donc Ligue des Champions, ça part, ça y est pour nos clubs français qui vont attaquer donc là les compétitions européennes. Et puis donc pour Fleury, le temps de retrouver les Panthères. Et je vous donne le programme. Donc défaite, c'était samedi pour démarrer à domicile 27-24. Elles ont été battues, les Panthères, pour démarrer cette saison nationale 1. Malheureusement, ça c'est mal parti. Elles joueront cette deuxième journée à l'extérieur du côté de Rennes. Voilà pour la deuxième journée de ce championnat de nationale 1. Avec cette fois évidemment l'espoir de gagner pour essayer de revenir tranquillement dans ce championnat. Voilà, donc ce sera samedi pour les Panthères. Voilà l'actualité handball. On a mis un petit peu de temps, mais il y avait beaucoup de choses. Hein, c'était la reprise partout. Le temps pour moi de vous donner les scores des matchs que l'on suit en direct. Le volley, toujours. L'harmonie toujours devant, 8-5. Dans cette troisième manche, on va juste suivre ce point qui dure. Ça tient toujours pour les bleus à la réception. Oh, il est beau celui-là. Il est beau. Ça passe pour. C'est, je crois. J'ai pas vu qu'il y avait tiré ce ballon, mais en tout cas, il est bien dedans, largement dedans. Et ça fait 8. C'est Tieni Eze qui était là. Donc 8-6. Plus 2 pour la Roumanie, mais temps mort demandé par la Roumanie puisqu'ils voient les bleus revenir, donc ils demandent un temps mort. Le foot, Lettonie Pays de Galles 0-0 toujours. Le Portugal qui a accéléré et qui mène désormais 2-0 face au Luxembourg avec l'absence de Cristiano Ronaldo qui n'est pas du tout sur la feuille de match. Le portugais mais qui mène 2-0 avec Ignacio et Ramos qui ont pour le moment marqué, donc 2-0. Slovaquie 3-0 face au Liechtenstein. L'Islande 0-0 face à la Bosnie-Herzégovine. En national, Red Star Rouen 2-0 toujours à la 75e. Et Orléans Le Mans, ça n'a pas démarré encore. Match qui a été décalé, coup d'envoi à 21h10. Donc ça devrait partir dans quelques secondes. Ça a pris un petit peu plus de temps. Donc on va attendre le coup d'envoi de cette rencontre. Donc entre Orléans et Le Mans. On poursuit avec le basket. Ça va être plus rapide puisque le basket avec le mondial qui s'est terminé. Avec, on le rappelle, la victoire de l'Allemagne qui a battu en finale la Serbie. Premier titre pour l'Allemagne. Victoire 83-77. Voilà, donc ils ont dominé leur adversaire. On rappelle l'Allemagne qui avait déjà battu les États-Unis en demi-finale sur un score de NBA, 113-111. Il n'y a pas eu de prolongation, c'est le score dans les 40 minutes. Pour l'USA, les États-Unis, pardon, les USA, encore une fois une deuxième Coupe du Monde sans victoire. Voilà, ils ont été battus encore une fois et on imagine évidemment que l'année prochaine pour les Jeux, on amènera la grosse équipe pour notamment la fin pour LeBron James notamment, avec pourquoi pas Steph Curry. Enfin voilà, il y aura probablement une grosse équipe l'année prochaine. Du côté des États-Unis pour laver un petit peu cette défaite en demi-finale pour l'Allemagne. Donc premier titre, c'était du côté des Philippines cette rencontre, cette finale. Et on rappelle aussi que pour les bleus qui ont terminé finalement à la 13e place puisqu'ils ont remporté leurs deux rencontres de classement. Voilà, pour consoler un petit peu les bleus qui ont terminé Donc avec deux victoires pour finir. Donc victoire de l'Allemagne donc dans cette finale. Retour aussi prochainement des championnats. Ça y est, on va repartir pour la Betclic Elite. Ce sera déjà ce week-end. Ça va très vite. Hein. On a à peine terminé le mondial qu'on va attaquer tout de suite la saison. Alors pas NBA bien sûr, mais toujours mais en championnat de France. En tout cas avec une première journée. Samedi et dimanche, voilà, pour lancer cette saison de Betclic Elite et en Pro B pour Orléans. Orléans qui démarrera sa saison aussi cette semaine. Ce sera mercredi, déplacement à Lille pour le LB pour essayer de bien démarrer aussi la saison. Donc déplacement à 20h mercredi pour le LB. Voilà pour la saison de Pro B. Et puis la NBA elle reprendra un petit peu plus tard, évidemment, le temps pour tous les internationaux de se reposer. Reprise le 25 octobre. Hein, voilà, ça sera dans un peu plus d'un mois. Il y a encore largement le temps. D'ici là, il y aura évidemment des matchs de préparation pour réparer cette saison. On parle rapidement des directs. Ça va mieux pour les Bleus qui ne sont plus menés que d'un point. Le score 11-10. Je crois, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, 11-10. Plus qu'un petit point à reprendre pour recoller. C'était un petit peu le même scénario hein, dans le premier set où les Bleus étaient un peu derrière 2-3 points et puis finalement ils ont recollé en milieu de set. Elle est très longue, cette très bon service de du Français que j'ai pas vu d'ailleurs qui c'était, mais il est très long, trop long. Ça sort en longueur et ça permet à la Roumanie de reprendre 2 points d'avance. Oui, donc voilà, le même scénario. Et puis les Bleus étaient revenus petit à petit. On espère que ça va être le même scénario pour boucler ce match en 3-7, évidemment, et éviter de se faire peur et pouvoir se reposer tranquillement avant les demi-finales. Et un nouveau point pour les Roumains, 13-10. Le rugby, avant de parler de tennis aussi. Le rugby, bien sûr, ça y est, le début du mondial. On l'attendait depuis plusieurs mois. C'est parti depuis vendredi avec ce match d'ouverture pour les Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Quelle rencontre pour nos Bleus, vainqueurs 27-13 avec vraiment une belle manière d'abord dominer en première période et puis vraiment une seconde période plus libérée avec un Ramos impérial encore au pied et puis un Damien Penaud évidemment aussi toujours très précieux pour conclure et avec aussi Jaminet en fin de rencontre qui a été là pour vraiment boucler cette rencontre pour s'éviter quelques minutes de stress supplémentaire mais Damien Penaud d'abord 30e essai toujours très très précieux et très utile vraiment pour les conclusions de d'essai et voilà les Blacks ont été très très pénalisés de très nombreuses fois et ce qui a aussi permis aux Bleus de notamment Thomas Ramos de marquer un maximum de points en pied et puis surtout aussi une expulsion temporaire de Jordan qui a été peut-être l'un des tournants aussi de la deuxième période puisque les Bleus ont vraiment appuyé à ce moment-là pour rester vraiment devant et voilà en tout cas des Bleus qui ne se sont pas loupés sur cette première rencontre. Les Blacks eux, peuvent avoir des soucis à se faire puisque ils ont quand même été bien dominés en deuxième période et trop nombreuses fois pénalisées. Il y a eu beaucoup de pénalités pour les Bleus hein, qui ont été malins aussi en jouant beaucoup au pied mais voilà c'est aussi pour ça que les Blacks ont été très indisciplinés et se retrouvent vraiment assez loin au bout du compte. 27-13, c'est une belle victoire pour les Bleus qui ont pris la tête du classement avant de voir l'Italie la reprendre puisque l'Italie de son côté s'est imposée samedi 52-8 face à la Namibie avec le bonus offensif. On rappelle ça fonctionne comme en top 14 hein, le point de bonus offensif avec 4 essais marqués et puis le point de bonus défensif avec une défaite de moins de 7 points. Donc voilà l'Italie qui totalise déjà 5 points. Donc l'Italie vainqueur 52-8 de la Namibie. L'Irlande aussi qui a fait une seule bouchée de la Roumanie 82-8 12 essais dont 11 transformations. La Roumanie qui avait bien démarré, pourtant avec un essai dès la troisième minute, qui a mené 5-0, mais très très vite, c'est les Roumains qui ont pris les devants et voilà, 12 essais avec avec donc une victoire écrasante, démonstration vraiment. La Roumanie qui joue son premier match en mondial, hein. Mais voilà, vraiment un niveau trop élevé pour cette rencontre. L'Irlande donc largement vainqueur. L'Australie aussi, grand vainqueur de la Géorgie 35-15. Voilà, avec 4 essais pour les Australiens qui ont bien mieux, meilleure mine que contre les Bleus lors du dernier match de préparation. Ça va mieux pour l'Australie, donc qui a bien lancé son tournoi. L'Angleterre aussi face à l'Argentine, qui a eu beaucoup de mal, mais qui s'impose. Le score, ça ne reflète pas vraiment la rencontre. 27-10. Un carton rouge d'entrée pour les Anglais dès la 3ème minute. Et puis finalement, 27 points. Il n'y a pas un seul essai, hein. On pourrait croire qu'il y a des essais. Ben non. Que du pied, de la pénalité, 6 pénalités, et puis du drop. Très rare. Enfin, beaucoup plus rare qu'avant. 3 drops. Et c'est Ford, hein, qui a marqué tous les points de son équipe, évidemment, au pied. 3 drops consécutifs. Qui malicieux, qui ont permis aux Anglais de s'imposer sans être brillants à la main, loin de là, mais efficaces au pied. Et les Argentins, pour le coup, n'ont pas profité de cette supériorité numérique. Et avec un seul essai, ça n'a pas suffi aux Argentins, qui auraient pu faire mieux. Mais voilà, en tout cas, les Anglais, loin du compte, hein, à la main, ça passera pas contre les autres nations. Ça, c'est ce type de match. Le jeu au pied ne marchera pas avec tout le monde, et voilà, il y a peu de chances qu'on voit les Anglais très très loin de ce tournoi si le niveau de jeu ne s'améliore pas. En tout cas, le jeu à la main, ça c'est certain. En tout cas, ils sont devant pour l'instant au classement. L'Angleterre donc vainqueur, et puis hier le Japon aussi qui s'est bien lancé son tournoi en battant le Chili pour son premier match en Coupe du Monde. 6 essais côté japonais transformé à chaque fois, et qui prend le bonus offensif du coup, et qui jouera là l'Angleterre d'ailleurs au prochain match, qui sera déjà crucial, hein, pour la qualification. Et puis l'Afrique du Sud aussi, qui a été vainqueur de l'Écosse, là aussi un duel déjà important, 18-3, avec 2 essais côté sud-africain. Rappel champion du monde en titre, les sud-africains qui ont été dominants, hein, tout au long du match, et qui ont déjà pris des points importants, puisqu'on rappelle il y a 3 nations du top 5, hein, dans cette avec Irlande, donc il faut pas se louper. Pour l'instant, ils ne se sont pas loupés, les Sud-Africains, pour lancer ce tournoi. Et puis les Pays de Galles, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer face aux Fidji hier, 32-26, les Fidji qui étaient tout proches de s'imposer en toute fin de match, puisque ils ont eu une dernière offensive pour essayer d'aller marquer ces sept derniers points qui ont permis de s'imposer. Mais malheureusement, un dernier en avant qui a été fatal aux Fidjiens, qui malgré tout prennent 2 points, hein, le bonus offensif et le bonus défensif. Voilà, quand même, marque 2 points pour les Fidji, mais qui ont beaucoup de mal dans cette poule. On verra ensuite avec les classements. Donc on le disait, donc Italie-France en tête, dans l'autre poule Irlande-Afrique du Sud, assez logique pour le moment. Australie-Galles avec 5 points, les Fidji donc 2 points, les bonus. Et puis ensuite, dernière poule, Japon-Angleterre, 5 et 4 points. Les autres nations ont 0 points, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué encore, hein, avec des poules de 5, évidemment. Par exemple, on n'a pas encore vu le Portugal qui jouera cette semaine. On n'a pas encore vu non plus les Tonga qui joueront aussi cette semaine face à l'Irlande. On n'a pas encore vu l'Uruguay que les Bleus affronteront jeudi. Ce sera la prochaine rencontre cette semaine. On rappelle que il n'y a pas de match lundi, mardi, mercredi. Hein, les matchs qui démarrent le jeudi, puis ensuite ça s'enchaîne vendredi, samedi, dimanche avec plusieurs matchs par jour. Mais il n'y a pas de match en début de semaine, hein, on le rappelle, pour le moment. Donc jeudi France-Uruguay, voilà pour continuer cette poule. La Nouvelle-Zélande face à la Namibie. On aura Irlande-Tonga, Afrique du Sud-Roumanie. On aura Galles-Portugal, Australie-Fidji. Et on aura Samoa-Chili et Angleterre-Japon. Déjà important cette rencontre. Ça promet aussi. Voilà, le vainqueur se donne en tout cas une grosse option pour la qualification Voilà, et puis on le disait, les Fidji aussi face à l'Australie, ce sera déjà la dernière, presque la dernière chance. Il faudra s'imposer pour espérer poursuivre l'aventure le plus loin possible. Voilà pour le rugby. Il est 21h23, on est encore dans les temps. On poursuit les directs, on y retourne. Allez, ça tourne vraiment à la faveur de la Roumanie pour l'instant, qui mène 21-16 hein, dans cette troisième manche et qui semble bien parti pour aller chercher au moins une quatrième manche. Attention, les Bleus, ne pas se faire peur et ne pas aller chercher un tie-break qui serait décisif, évidemment, qui serait stressant encore. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on file tout droit vers une quatrième manche. En tout cas, avec ce service, c'est récupéré par les Bleus. On va devoir jouer. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais pour la Roumanie aussi, finalement, on arrive quand même à enclencher une attaque. Les Bleus qui récupèrent. Oula, c'est sauvé. C'est sauvé encore par la Roumanie, finalement. Et là aussi, c'est sauvé très loin par les Bleus qui vont essayer de conclure. Ouais, ça y est, c'est fait. Le bloc qui a touché ce ballon, mais qui est sorti. Et ça fait 21-17. C'est pas fini encore. Les directs. Pays de Galles qui a ouvert la marque face à la Lettonie. C'est Ramsey qui a ouvert la marque sur penalty. 1-0, 36e minute. Le Portugal mène 3-0 maintenant face au Luxembourg. Le même score pour la Slovaquie face au Liechtenstein. Et l'Islande aussi 0-0 face à la Bosnie-Herzégovine. Un peu plus tôt, la Croatie tout à l'heure a battu l'Arménie. D'ailleurs, 1-0. But de Kramaric. Et on rappelle aussi que l'équipe de France Espoir a battu la Slovénie 4-0 tout à l'heure, avec notamment un doublé pour Barcola. Cherki et Mara sont les autres buteurs de cette rencontre. Le Red Star mène 2-1 en national face à Rouen. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire et l'USO est déjà mené 1-0 sur sa pelouse face au Mans. C'est but de Coutadeur. Ça fait 1-0 après 12 minutes de jeu. Voilà les directs. Avant de marquer une pause et d'accueillir donc Hugo pour le foot, le tennis avec cette finale de l'US Open hier qui s'est terminée dans la nuit. Hein. Il fallait rester éveillé tard pour regarder cette fin de match. Et une nouvelle fois, Djokovic qui a été le plus fort dans cette rencontre face à Daniil Medvedev. Le russe, on attendait évidemment encore une fois un duel entre le Serbe et Alcaraz espagnol, malheureusement, ou heureusement, en fonction de sa préférence. Et c'est Medvedev qui s'est qualifié pour cette finale. Et malgré une belle résistance hein, du russe dans la deuxième manche, ça n'a pas suffi. Il a eu des occasions de break et de set même, d'empocher le deuxième set avec une balle de 7 à 6-5, malheureusement. Pour lui, c'est le Serbe qui a été encore plus fort et qui s'est défait de ses balles de break, de ses balles de 7, encore avec des défenses incroyables, des montées au filet, encore très efficaces pour le Serbe. Et d'ailleurs, on a aussi une demi-volée incroyable sur balle de 7, balle de break à 4-3. Incroyable demi-volée jouée par le Serbe, et puis un tie-break encore dominé par le Serbe. Il en est à 26 à 5, hein, 26 tie-break remportés sur 31 joués. Hein. Cette année, c'est juste incroyable. Et le Russe qui a été impuissant hein, dans le dernier set ensuite, il avait laissé passer sa chance. Et voilà, c'est le Serbe qui se remporte à 36 ans son 24e titre du Grand Chelem, record égalé. Le record de l'Australienne Margaret Court, qui était aussi à 24, qui m'a désormais devant Serena Williams, qui était elle aussi à 23, et puis deux d'avance aussi sur Nadal, hein, qui est à 22. Voilà, les chiffres pour le Serbe sont hallucinants. Et il n'a pas fini encore, évidemment, le Serbe, il sera encore là pour peut-être 1, 2, 3, 4 ans, qui sait, pour aller chercher encore d'autres titres. 3 titres sur 4 cette année en Grand Chelem, et le dernier nom remporté, c'était une finale hein, face à Alcaraz à Wimbledon en 5 manches. Il est encore très proche du Grand Chelem. On rappelle qu'il avait laissé échapper il y a 2 ans. Hein. C'était là déjà à l'US Open face à Medvedev. Il avait été dépassé par les émotions. Cette fois, Cette fois, il était sans enjeu, en tout cas moins d'enjeu qu'il y a 2 ans, moins d'histoire, même si ce 24e avait beaucoup de valeur. Mais non, il en manquera un encore pour aller chercher, évidemment, le record absolu de 25. Ce sera dès l'Open d'Australie, peut-être, pour lui, son nouvel objectif désormais, le 25e en ligne de mire. Avec ce titre, le Serbe repasse numéro 1 mondial. Alors, il était déjà assuré de l'être, hein, même en s'inclinant avant cette finale, mais il est désormais redevenu numéro 1 mondial au classement. 390e semaine en tête, il approche des 400, cette marque mythique, incroyable, qui serait déjà à plus de 90 d'avance sur Federer, qui est deuxième, hein, au classement. C'est juste incroyable. Et il totalise désormais 3000 points d'avance sur Alcaraz, un gouffre évidemment. Alors il y aura beaucoup de points à défendre pour le Serbe en fin de saison, beaucoup moins pour l'Espagnol qui était blessé, donc ça peut encore s'inverser. Mais en tout cas, il est pour l'instant bien en tête. À noter que chez les dames, c'est l'américaine à domicile Coco Gauff qui s'est imposée dans cette finale du US Open. Elle a battu en finale du tournoi la Biélorusse Sabalenka en 3 manches, 2-6, 6-3, 6-2. Sabalenka d'ailleurs, elle qui devient numéro 1 mondial. Elle n'avait jamais été, malgré sa défaite. Elle est en tête devant Iga Swiatek, donc qui perd sa première place. Coco Gauff, avec ce titre, passe troisième. Elle prend 3 places. Derrière, on retrouve Rybakina, Jessica Pegula, l'américaine, Vondrousova, On Jabeur, la tunisienne, Karolina Muchova, Maria Sakkari, Caroline Garcia, malgré son élimination précoce, prend 3 places. Quand même, elle intègre le top 10 de nouveau, avec la 10e place. Voilà pour le classement. Donc chez les dames, et puis chez les hommes, hormis cette récupération de première place pour le Serbe, donc Alcaraz est en deuxième, Medvedev sur troisième, Holger Rune reste quatrième, Tsitsipas prend la cinquième place, il récupère 2 places, Rublev également récupère 2 places, il est sixième, Yannick Sinner septième, Taylor Fritz huitième, Casper Ruud neuvième, et puis Alexander Zverev réintègre le top 10 avec 2 places de gagnées. Un mot du volet, puisque ça revient très fort pour les Bleus, qui reviennent 24 à 23, qui viennent de sauver 2 balles de 7. Hein. 24-21, on passe à 24-23. Et les Bleus qui vont encore avoir une balle de 7 à sauver. Elle est maintenant... Oh, elle est dehors. Oui, elle est dehors. Ouais, c'est dehors. Et on va demander le challenge, je crois, côté roumain, qui demande... Et qui pense que il est énervé. Je pense que ce challenge, il est un peu de frustration, parce qu'il pense que les Bleus, à l'occurrence les Blancs ce soir, ont touché ce ballon sur cette attaque roumaine. Mais voilà, il y a peu de. Je pense qu'il y a peu de chance. Il est surtout là, ce challenge, pour essayer d'arrêter l'hémorragie au service, puisque là on a le serveur français que j'arrive pas à reconnaître d'ici, mais qui sert magnifiquement bien. Et qui a permis à la France de recoller à 24 partout, alors qu'il y avait 24-21. Il y a quelques. Est-ce qu'elle est touchée, cette balle? Ça a pas l'air. C'est délicat à voir sur l'image. Elle a peur d'être touchée. Non, pas touchée. Ça reste 24-24. Allez, on a encore 2 points pour s'imposer dans cette rencontre. Le premier, peut-être, il est peut-être là. On va servir un nouveau, c'est encore le même serveur, hein, puisque on se rappelle qu'à chaque fois que ça passe, le même serveur continue. C'est parti, petit service en cloche toujours. C'est parti. Oh, et non, ça passe pas cette fois-ci. 25-24, nouvelle balle de 7 pour les Romains. Cette fois-ci sur leur service. Il va falloir bien renvoyer côté bleu. Ouais, ça a été bien joué cette fois-ci. Hein, il y avait des bras, des blocs français, mais ça n'a pas suffi. 25-24 donc pour la Roumanie. Nouvelle quatrième balle de 7 pour les Roumains. On va suivre, puis après on va enchaîner avec le foot, puisqu'il est déjà 21h32, ça va vite. Mais on va essayer de suivre cette fin de match. Juste pour terminer avec le classement garçon des hommes, premier français, Adrien Manarino, il est 34e. Voilà pour être complet. sur le tennis. C'est sauvé à nouveau par les Bleus, 25 partout. C'est pas fini cette rencontre. On va marquer une pause dans quelques secondes, juste le temps de finir ce set peut-être. On va voir si ça s'arrête vite. Et les autres matchs, 1-0 Pays de Galles face à Lettonie, Portugal-Luxembourg 3-0, Slovaquie-Liechtenstein 3-0, Islande-Bosnie 0-0. Rouen était revenu à 2 partout. Alors qu'on sert... Oh, elle est belle! Elle est sur la ligne! C'est un sacré service là, un ace pour les Bleus qui vont avoir une première balle de match. Incroyable ce service d'Antoine Brizard. Très très long, on pensait très long, trop long, et finalement il a accroché la ligne. Tous les Romains ont laissé passer. Oh, elle était même loin loin de la ligne, on était vraiment dans le terrain. C'est étonnant pour les Romains d'avoir laissé passer ce ballon. Allez, première balle de match, 26-25 pour les Bleus, Antoine Brizard au service. Pour conclure, c'est parti, nouveau gros service, c'est tenu cette fois. C'est tenu par les Roumains. Ouh, elle est dehors, c'est fini. C'est terminé. Les Bleus s'en sortent en 3 manches. 27-25 dans ce dernier set. Cette dernière attaque était loin à côté. Et les Bleus s'en sortent finalement en 3 manches. Alors qu'ils étaient malmenés en ce troisième set. Mais ça suffit pour s'imposer. Et il s'évite un quatrième set qui peut être compliqué hein, à chaque fois. Mais ça passe. Les Bleus sont en demi-finale et affronteront le vainqueur d'Italie, Pays-Bas, qui joueront demain. D'ailleurs, avec d'ailleurs un jour de récup en plus pour les Bleus. Ça sera pas de refus. Je le disais, oui, en national, Rouen qui avait égalisé à la 90e minute. Et le Red Star qui vient de marquer à nouveau 3-2. Donc, voilà, le Red Star qui veut gagner cette rencontre, qui veut rester en tête du classement. Et pour l'instant, ils le font bien. Puisqu'ils ont réussi à remarquer ce dernier match, ce dernier but, peut-être synonyme de victoire. On joue la 98e minute. Hein, il a marqué à la 96e. Le joueur du Red Star, donc 96e. On est à 3-2. 90e maintenant même. Et le souhaite toujours mener 1-0 face au Mans. Allez, une pause et on revient après pour le foot. On aura donc Hugo qui sera avec nous dans quelques secondes. Et voilà donc le programme de cette partie foot. Les qualifs de l'Euro. Bien sûr, beaucoup on va parler équipe de France, bien entendu. Et on va aussi parler des championnats qui vont revenir ce week-end. Voilà le programme qui nous attend dans la prochaine demi-heure. Pour le son, c'est tout de suite. On écoute ce titre de Black, c'est Wonderful Life. On se retrouve juste après les Bleus qualifiés pour les demi-finales. À tout de suite. Wonderful Life, c'était Black à l'instant sur Arc-en-Ciel pour la suite de la Radar Sport. Ravi de toujours être avec vous. J'espère que tout va bien chez vous. On poursuit et on va terminer cette émission, cette deuxième heure, en compagnie d'Hugo qui est avec nous. Salut Hugo. Salut Rémi, salut tout le monde. Comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va très bien. J'ai un petit peu d'air frais vers moi et puis je suis content que pour une fois on refasse l'émission, hein, parce que la semaine dernière j'ai pas été mis au courant. quelques soucis la semaine dernière, mais on est bien de retour. Donc 20h30, 22h30 désormais pour cette nouvelle saison. Écoute, tout va bien, j'espère. On va parler de foot, évidemment. On va revenir sur les qualifications à l'Euro qui se terminent. D'ailleurs, demain, il y aura encore des matchs. Il y a des matchs ce soir. On a eu des matchs tout le week-end. On va parler de l'équipe de France qui a gagné, qui jouera aussi demain face à l'Allemagne. Et puis, bien sûr, le retour aussi des championnats ce week-end. Hein. Il y a plein de matchs qui arrivent. Et puis, un petit mot aussi sur le tirage au sort des Coupes d'Europe. On peut en parler aussi. Ça. Il y a des choses à dire. Et puis, tiens, une première info que vous avez dû peut-être voir passer et qui concerne Paul Pogba. Qu'as-tu de voir aussi également? Ouais, j'ai vu ça avec positif à la testostérone, ouais. Ouais, et qui est suspendu donc provisoirement, ça se serait passé le 20 août, hein, juste avant le match Udinese-Juve, et il est suspendu, si ça se confirme, il y aura une contre-expertise, et ça se confirme, il peut être suspendu jusqu'à 4 ans, hein, le français. Ce qui évidemment, ce serait quasiment terminé pour l'équipe de France, hein. Ouais, ça pourrait être terminé pour l'équipe de France, c'est sûr. Après, bon, voilà, ça fait quelques mois qu'on fait sans lui et que ça se passe toujours bien. Oui, on va parler du match contre l'Irlande, notamment il y a quelques jours, mais oui. Voilà, depuis que, voilà, c'est après un an maintenant qu'il est souvent blessé, en tout cas que son physique ne lâche plus. Donc, on voit bien quand même que l'équipe de France arrive à faire, en tout cas depuis la Coupe du Monde 2018, arrive à s'en sortir sans, son milieu de terrain, Pogba, Kanté, donc bon, oui, forcément, ça fait un peu de peine par rapport à Pogba et au joueur qu'il est et qui prétend être, mais bon, oui, ça fait de la peine pour lui, mais bah après, voilà, c'est comme ça, et jusqu'ici, on se sort plutôt bien sans lui, donc bon, on va en reparler. Ouais. Donc voilà, le français toujours avec la Juve jusqu'en 2026. Ouais. Et il a même pas joué d'ailleurs sur cette. Dommage, il a pris des peut-être des tests mais il a pas joué. Ça t'en compte, il est même pas rentré. C'est un peu con. Un peu con. Bon, voilà pour cette info. Et puis, on en parlera tout à l'heure. Il y a une autre info, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du retour des championnats. Avant ça, les matchs, les directs. Donc, de ce soir, le Pays de Galles mène 1-0 face à la Lettonie. C'est la mi-temps. C'est Ramsey qui a marqué pour les Gallois. Le Portugal mène 4-0 maintenant face à Luxembourg. Voilà. Sans Ronaldo d'ailleurs. Voilà. Il y a du bruit. Il y a du bruit ouais, autour de moi. Je suis en ville. Non, Ronaldo qui n'est pas du tout sur la feuille de match. Ouais, c'est je sais pas. Il n'a pas été pris du tout pour cette. S'il a été pris quand même sur. Ben figure-toi que j'en ai aucune idée. Je sais. Un peu comme toi. Je sais même pas s'il a été pris pour ces deux matchs. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il ait pas été appelé. Donc là ouais, je suis un peu comme toi. En tout cas, ça fait 4-0 à la mi-temps pour le Portugal. La Slovaquie mène 3-0 face au Liechtenstein à la mi-temps. Et l'Islande, 0-0 face à la Bosnie. Le Resta. Doublé de Gonzalo Ramos, hein, le nouvel attaquant oui. du PSG pour le Portugal. Exactement, exactement. Et Inacio aussi d'ailleurs, qui a marqué un doublé. Et c'est vrai, aussi, ouais. Ça fait 4-0 déjà. Et puis, en national, le Red Star a battu Rouen 3-2. Finalement, fin de match. Il reste leader, on en parlera aussi. Et l'USO, l'Orléans qui joue en ce moment, est mené 1-0 face au Mans. Et ça se joue à la source, hein, et il y a donc 26 minutes de jouer. Et puis tout à l'heure, la France Espoir a gagné face à la Slovaquie, à la Slovénie, pardon, 4-0. On en parlera aussi, on peut en parler aussi après, puisque les Bleus, on peut même en parler maintenant. Les Bleus, les Espoirs qui ont retrouvé Thierry Henry en sélectionneur, et qui a déjà gagné deux fois pour ses débuts. Le Danemark, c'était en amical ce week-end, et puis ce soir, face à la Slovénie, en qualif de l'Euro. Ça démarre bien pour Henri. Ouais, ça commence bien pour notre petite fille nationale. On sent que au niveau des jeunes, enfin de l'effectif des équipes de France Espoir, il y a un vrai esprit Thierry Henry. Et puis c'est vrai que voilà, d'avoir un vrai champion voilà de notre foot français aux commandes, ça, je pense, que ça donne encore un boost à ces jeunes-là. On a déjà parlé, hein, l'équipe de France Espoir. Pour la plupart, c'est quand même déjà des joueurs, alors, peut-être pas confirmés, mais qui jouent déjà tous dans un gros club, que ce soit en France ou à l'étranger. On sait qu'ils connaissent à peu près tous le haut niveau, le très haut niveau. D'avoir vraiment un Thierry Henry aussi sur le banc, c'est forcément un boost. Je crois que je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais c'est vrai que Thierry Henry, je suis toujours pas extrêmement confiant envers lui. Je sais que c'est quand même quelqu'un qui a des connaissances footballistiques évidemment énormes. Voilà, il a été un grand joueur, on le sait. Bon, il a été entraîneur à Monaco, adjoint avec l'équipe nationale de la Belgique. C'était un peu compliqué, mais on sait quand même que c'est quelqu'un qui connaît le football, bien sûr, heureusement. Je suis pas confiant 100%, mais c'est pas n'importe qui, c'est pas le pimpin du coin, voilà. On va dire ce qu'il y a quand même, mais non, pour l'instant, ouais, tout va bien pour lui. Je pense que c'est un petit peu aussi le début, tu vois, c'est l'extase. Voilà, c'est un peu le début. C'est Thierry Henry qui arrive sur le banc. Je pense que les joueurs aussi ont envie de faire bonne impression, forcément, envers lui dès le début. Donc c'est aussi ça. Après, voilà, c'est possible aussi que ça continue comme ça sur cette lancée, parce qu'on sait qu'on a des joueurs de talent, évidemment, chez cette équipe de France Espoir. Hein, évidemment, c'est pas des billes, hein, voilà. Oui. Mais pour l'instant, tout va bien, donc évidemment, je vais rien dire de négatif. On va voir ce qui va se passer encore dans les prochains mois, avant les JO de l'année prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Barcola a marqué un doublé aujourd'hui. Ça va le mettre en confiance aussi dans son nouveau club qu'est le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, tout va bien pour l'équipe de France Espoir. Il faut le souligner, ça va bien, tout va bien. Ouais, c'était face à la Slovénie qui était en tête du groupe. Alors c'est les débuts. Hein. On aura encore beaucoup de matchs. Il y aura l'Autriche, la Chypre et la Bosnie. Bon, a priori, rien d'insurmontable. Il faut quand même dire, Rémi, que la pelouse, c'est un sacré champ de patates. Ouais. Un terrain district. Ouais, c'était presque une honte, ouais, de jouer avec cette. Ah oui, ouais. Même pour les jeunes, pour les espoirs. Ouais, oui, oui. À ce niveau-là, c'est quand même presque honteux, c'est vrai. Mais bon, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, les espoirs qu'on pourra suivre sur la chaîne d'équipe, hein, toute la saison, même pendant 2-3 ans, je crois, il me semble. Ouais, c'est les faits Henri. qu'il ait fait Henry. Ouais, ouais, bah, c'est ça, bah, carrément. Hein. C'est vrai. Donc, bah, 3-4-0 et donc prochain match. Pas tout de suite là, ce sera là, bah, c'est le retour à, du côté de des championnats, mais ce sera en novembre. Hein, du coup, la prochaine trêve internationale, donc les espoirs aussi joueront pour la suite des qualifs. Ce sera contre qui? Pardon, j'ai pas suivi, c'était contre qui? J'ai pas dit en fait, c'est pour ça. Ah, tu l'as pas dit? Je croyais que tu l'avais dit. Non, j'ai donné la composition du groupe, mais du coup, j'ai pas donné le calendrier. Mais il y aura donc, je disais, dans le groupe, hormis la Slovénie, l'Autriche, Chypre et la Bosnie. Donc, a priori, rien d'insurmontable pour les Bleus. Hein, pour les Bleus. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, j'ai le classement devant les yeux. Oui, de toute façon, c'est le début de. De ces qualifs, hein, c'est que le début, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ce sera la Bosnie, voilà. Ce sera la Bosnie, ok. Ce sera en octobre, pardon, il y aura des matchs en novembre, mais aussi en octobre. Il y en aura, d'ailleurs, comme les A, il y aura la Bosnie le 13 et Chypre le 17, voilà. Et après, à nouveau, en novembre, il y aura encore un match avant de conclure, mais il y aura encore toute l'année prochaine. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est des équipes, normalement, où ça devrait bien se passer pour les Bleus. Si tout va bien. En tout cas, voilà, pour les Bleus, ça démarre pas mal. Voilà pour cette équipe de France bleue. Espoir, on va revenir sur les A. Donc, du côté de la qualif de l'Euro. Donc, c'était. On va remonter, on va parler rapidement des autres matchs, enfin des autres groupes. Rapidement pour vous dire que l'Écosse reste sur un sans faute, puisque l'Écosse a à nouveau gagné face à Chypre 3-0, est en tête de son. Et puis largement en tête, hein, 15 points. L'Espagne deuxième avec 6 points, mais l'Espagne a deux matchs de moins. C'est vrai qu'il y a pas mal d'écarts de matchs, comme il y a des groupes de 5. Et l'Espagne, de son côté, a battu la Géorgie 7-1. Bon, après, ça reste la Géorgie. Il faut rester mesuré, mais il y a eu notamment triplé de Morata, hein, sur cette rencontre. Et l'Espagne est deuxième. Et puis ensuite, on retrouve Norvège et Géorgie 4 points. C'est pas très loin quand même. Attention, l'Espagne. Hein. Faudrait pas passer à la trappe quand même sur. Ouais, et puis je te coupe, pardon, mais juste aussi noter, alors oui, le triplé de Morata, mais aussi le dernier but, le 7e de l'Espagne de Lamine Yamal, le très jeune ailier du Barça, qui a 16-17 ans, hein, mais je sais même pas s'il a 17 ans, mais qui est d'origine marocaine et qui a décidé de jouer pour la Rora, et qui donc marque, alors je crois que c'est sa première sélection, hein, je suis pas sûr. À vérifier, mais je crois que c'est sa première ou deuxième sélection avec l'Espagne. En tout cas, il a marqué le 7e but, donc c'est des bons débuts pour lui. Ouais, c'est peut-être une bonne offensive pour l'Espagne. On rappelle pour l'instant, on le nomme comme le nouveau Messi au Barça, en tout cas. Ah oui, carrément. Il est très très bon, donc oui. Donc, bon, enfin, moi, j'ai vu des Zidane, j'en ai vu 50 aussi, hein, en équipe de France. Gourcuff, Diaby, bon, on connaît, mais. Marvin Martin, tout ça, machin. Marvin Martin, c'est vrai. Bah, après, en France, c'est vrai qu'on a ce défaut-là, c'est de vite monter dans les tours. Mais c'est vrai que j'ai vu un petit peu, hein, Lamine Yamal un peu à l'œuvre. Il est très bon, c'est un très bon jeune joueur. Après, voilà, oui, il faut quand même prendre des pincettes, évidemment. Bon. Brésil ou pas. Voilà, on a compris. On a le Guillaume, machin chouette, on a vu. Hein. Voilà, rien à foutre. Voilà. Donc voilà, l'Espagne, voilà, qui est deuxième pour l'instant, mais il reste évidemment beaucoup de matchs. La France, donc, qui est groupe B, jouée face à l'Irlande. Voilà, que les Bleus avaient battu déjà sur le match aller à l'extérieur 1-0, et cette fois c'était au Parc des Princes, puisque évidemment le Stade de France était déjà pris pour le rugby. Donc qualification pas encore, mais victoire, ça c'est sûr, 2-0, sans trop forcer, mais voilà, on sent qu'il y aurait pu, il y en avait encore sous la semelle quand même peut-être. Ouais, non, mais honnêtement, match, alors, j'allais dire plein, mais non, pas plein d'équipes de France. On a évidemment surdominé ce match contre l'Irlande. Bah, ça se voit au stats, hein. 25 tirs à 6, pardon. Oui. 25 tirs à 6 pour nous. Bon, c'est vrai que marquer entre guillemets que deux buts pour une équipe comme nous avec 25 tirs, on aurait pu faire peut-être un peu. Après, faut pas oublier que c'est des équipes qui sont chiantes. Enfin, nous, on aime pas trop ça, les Bleus, de jouer contre des équipes là, qui très très groupées défensivement. C'est, on l'a vu, hein, il y avait un mur vert, hein, quand même derrière. Ouais, c'est vrai, il y avait un mur vert, mais on reste dans une époque, enfin, dans une génération irlandaise où ils sont un peu dans le creux, voilà. C'est une génération un peu creuse pour eux. Oui. Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Bon, évidemment, le résultat est extrêmement positif, tant au niveau du résultat final que du jeu quand même. Après voilà, Mbappé, on a vu qu'il s'est un peu retenu, bizarrement. Il a essayé de plus faire le jeu à la manière de Griezmann, par exemple. On l'a pas trouvé percutant comme il pourrait l'être dans ces matchs-là où l'adversaire est vraiment plus faible. Il a pas cherché vraiment à accélérer le jeu, à aller chercher le tir, la finition de l'action. C'est pour ça qu'il a pas marqué. Mais j'ai trouvé qu'il voulait vraiment que marquer, j'ai l'impression, non? Ah, tu trouves? Bah, j'ai mon impression, mais. Bah, justement, comme je le disais, et aussi comme je l'ai entendu en réalité, je trouve qu'il a vraiment, dans un match-là, et surtout avec encore son nouveau brassard de capitaine qu'il a depuis quelques matchs, mais, ouais. Il a voulu justement participer plus au jeu, et j'ai l'impression d'avoir, il s'est presque senti obligé de donner aux autres aussi. Et du coup d'avoir un peu perdu sa spontanéité et son odorat du foot, tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il a, sur ce match-là en tout cas, il a voulu mettre son identité de jeu de côté et être plus au service des autres et de pas aller forcément chercher la vitesse et la percussion et aller chercher le dernier geste pour lui, non? Et c'est pour ça que je pense qu'il a pas marqué aussi, parce que un match comme ça où l'Irlande est vraiment quand même, faut le dire. Certes, il y avait un mur vert devant nous, mais elle était quand même beaucoup plus faible que nous, l'Irlande. Ah oui. Ah oui, clairement. Oui. Voilà, clairement. Donc, et je pense que c'est un match où il aurait pu claquer. On connaît Mbappé, hein, ça y est, il a 24 ans maintenant. On sait qu'il aurait pu claquer sur un match comme ça, un doublé ou un triplé facilement, entre guillemets. Voilà, il l'a pas fait. Alors, voilà, sans souci, hein, c'est pas grave. Mais il aurait pu le faire. Mais voilà, 25 tirs pour l'équipe de France, 2 buts marqués. Bon, voilà, ça reste. C'est un peu juste, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça reste positif quand même. Voilà, on va rester dans le plus. On reste sur 5 matchs, 5 victoires. Alors oui, on n'est pas qualifié encore officiellement, et je vais pas m'avancer parce que c'était encore en 94 où on s'est fait battre par la Bulgarie et l'Israël. Oui. Pour finir. Ouais, c'était pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro? C'était pour le Mondial, ouais, aux États-Unis, je crois. Ouais, voilà. Je crois. Ouais. Voilà, je sais que nous Français on se met vite devant et on se dit ouais on est imbattable, ça y est. Non, je reste quand même voilà à ma place, mais force est constater quand même qu'on est au-dessus de ce groupe. Certes les Pays-Bas ont un match de retard, je crois maintenant. Un match ou deux? Deux, hein. J'ai pas compris ta question. Non, les Pays-Bas ont un seul match de retard par rapport à nous. Oui, c'est ça, ouais. Donc même s'ils gagnent les Néerlandais, on restera devant, mais voilà. Qui joueront face à. Qui se sera face à la France d'ailleurs le prochain match. Ouais, face à nous. Donc voilà, comme je disais, j'ai pas envie de nous dire qu'on est qualifié directement, mais c'est presque fait, mais il faut concrétiser, voilà. Et puis les deux premiers se qualifient, on rappelle. Ouais. En plus, hein. Voilà. Bah, vraiment. Et la Grèce a le même nombre de points que les Pays-Bas qui sont derrière nous. Mais ils ont pas de match de retard, la Grèce. Ils sont à jour. Voilà, la Grèce est comme nous, sauf les Pays-Bas qui ont un match de retard, mais. C'est pour ça qu'il faut concrétiser dès le prochain match contre les Néerlandais. Oui, qui scellerait quasiment la qualif, ouais, c'est sûr. C'est ça. Ok, bah écoute, très bien, on suivra. Il y aura un match demain face à l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne qui est très diminuée, ouais, très malade, j'allais dire, puisqu'il a enchaîné 3 défaites, là, qui a enchaîné. La Pologne, j'ai oublié le deuxième match, mais qui a perdu face au Japon aussi 4-1, mais j'ai oublié un deuxième match, mais qui va très mal, hein. Qui va très mal cette Allemagne. Ben ouais, ça va très très mal. Alors, sans te mentir, j'ai même contre le Japon, j'ai vu le résumé, mais j'ai pas vu le match. Mais on sent que la défense allemande est très très malade et que c'est un gros problème parce que. Comme ça, on se dit, oui, c'est vrai, la génération allemande n'est pas mauvaise. Il y a des gros joueurs. Il y a Sané, ah oui. Il y a Gnabry, il y a Kimmich. Enfin, il y a du gros monde au milieu de terrain. Il y a Goretzka au milieu de terrain aussi. Il y a de l'attaque. Mais c'est vrai qu'en défense, bon, il y a quand même des huleux. Il y a des Rudiger qui joue au Real, au Bayern, enfin, etc. Mais ça reste très friable en défense. Et même au poste de gardien de but. Hein. Neuer n'est pas encore revenu. Bah, oui. Non, il n'est pas revenu, hein. Il reste quand même Ter Stegen, gardien du Barça. Oui, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Il y a plein d'équipes qui aimeraient bien. Ben, c'est clair. Et j'ai oublié au milieu de terrain Gundogan, encore Emre Can. Enfin, sur le papier, c'est énorme. Hein. Takaya Havertz aussi. Enfin, mais non, ça marche, ça fonctionne pas. D'ailleurs, Hansi Flick, c'est fait. C'est voilà. Fini, ouais. C'est fini pour Hansi Flick au poste de sélectionneur de la Mannschaft. Non, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas. On parle beaucoup de Nagelsmann là, du coup, depuis le départ d'Hansi Flick, Nagelsmann qui a eu quelques différends avec les joueurs du Bayern, avec quelques joueurs du Bayern quand il était encore coach, il y a quelques Nagelsmann qui avait quelques différends avec des joueurs allemands du Bayern il y a encore quelques semaines quand il était encore coach, mais c'est lui pour l'instant qui est le supposé numéro 1 qui tient, ouais, alors, qui tient la barre, ouais. C'est ça, qui tient la barre pour la Mannschaft prochainement, mais en même temps, je pense que oui, c'est vraiment l'homme, en tout cas là, immédiatement de la situation, qui pourrait reprendre avec plus de sûreté la Mannschaft, parce qu'il connaît quand même le football allemand, il a un jeu offensif, il est sûr de lui, il connaît quand même du coup la plupart des joueurs allemands. Donc, je pense que c'est en même temps l'homme de la situation quand même, même s'il y a eu quelques différends avec plusieurs joueurs du Bayern. Mais je pense que, honnêtement, là, à court terme en tout cas, et en visant l'Euro qui est surtout en Allemagne, l'Euro 2024, c'est en Allemagne. Donc... Je pense que là, vraiment, dans l'urgence, déjà, parce que c'est quand même rare de virer un sélectionneur entre deux matchs. Ah oui, puis si proche, en fait. Et si proche. Ah ouais. Et surtout contre un gros comme nous, la France. Bah oui. Bon, certes, c'est un match amical, mais il faut quand même sortir le sélectionneur entre deux matchs comme ça. C'est rare. C'est rare, ouais. Et c'est pour ça que je pense que là, à court terme, pour sa court terme, déjà de 1, bon, Nagelsmann, à un moment, faut y aller direct. Faut pas tergiverser pendant 2-3 mois. Je pense que là, il faut commencer à recréer une équipe et donc faut Oui, ça arrive vite, hein, l'Euro, malgré tout. C'est l'été prochain. Oui. C'est même pas dans 9 mois. Ouais. Je pense qu'il veut déjà commencer par recréer une dynamique et c'est pas maintenant que ça y passe. Hein. C'est pas en début 2024, il va falloir s'affoler. Donc voilà. L'Allemagne qui est malade, mais je reste quand même méfiant par rapport au match de demain. Parce que l'Allemagne, ça reste une équipe de champions, avec la mentalité allemande comme on la connaît, hein, le 8-2 contre le Brésil, le 7-1 contre le Brésil, et le 8-2 contre le Barça, le Bayern, ça reste la mentalité allemande, globalement. Donc voilà, je reste méfiant, même si je pense qu'on reste sur le papier, en tout cas voilà, dans une dynamique plus positive qu'eux. Mais il faut rester méfiant par rapport au match de demain, c'est sûr. Ok, bah écoute, on suivra ce match-là. Donc demain, on n'en a pas parlé, mais quand même sur la rencontre face à l'Irlande, les buteurs, hein, Tchouaméni, encore une super frappe. C'est comme super but. Thuram aussi, qui est pas mal, hein, parce que c'est quand même pas simple de se retourner comme ça et de marquer. Ouais. Et puis Maignan, encore toujours invaincu dans les buts, toujours pas de but encaissé. Hein. Il a pas eu beaucoup de boulot. Ouais, ce que j'allais dire, voilà. Mais il a eu un arrêt à faire, une manchette un peu réflexe, et il était là. Oui, mais t'as raison de préciser. Il faut la faire, la manchette, comme tu dis. Après, oui, voilà, il n'a pas été non plus très sollicité, donc voilà. Mais évidemment, Maignan, ça reste vraiment un très bon remplaçant, Hugo Lloris, pour l'instant. Voilà, il y a rien à dire sur lui, en tout cas, comme tu dis, 5 matchs, 0 but encaissé, donc ouais, très bien. 11 buts marqués, tout va bien pour les Bleus. Et voilà, qui sont toujours en tête, et la Grèce, les Pays-Bas sont derrière. On poursuit groupe C. Les Anglais, un petit accro à un match nul face à l'Ukraine, mais bon, qui reste en tête largement. Voilà, petit accro. C'était pas en Ukraine, c'était en Pologne, hein, évidemment, puisque l'Ukraine ne peut pas recevoir. C'est Walker qui a égalisé pour les Anglais, donc un partout. Et puis l'Italie aussi qui a été tenue en échec face à la Macédoine du Nord. Malgré le but d'Immobilier, ça n'a pas suffi, la Macédoine qui est revenue. C'était déjà face à la Macédoine du Nord qu'ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour le mondial, je crois. C'était ça. Ouais, c'est un peu bête noir. Ça leur réussit pas, ouais, c'est clair. Donc un partout pour les deux matchs. L'Italie recevra l'Ukraine demain et puis l'Angleterre ne jouera pas puisque c'est le Malte, Macédoine du Nord qui aura dans l'autre rencontre. Sacré match, hein. Je vous conseille. Ce Malte, Macédoine du Nord promet. C'est clair. Les deux derniers du groupe. Donc Angleterre 13, Ukraine 7 et l'Italie 4 seulement. Bon, un match de moins. Mais qui est pas qualifié. Hein. Attention à l'Italie qui a gagné qu'un match pour l'instant. Mais le groupe est encore très long. Le groupe D, c'est la Croatie, la Turquie qui domine avec 10 points pour le moment. Voilà, donc pour le moment ça va, c'est bien. La Croatie a gagné 1-0 tout à l'heure. Mais en direct, donc le Pays de Galles, pour l'instant, mène 1-0 toujours. Ça c'est donc pour ce groupe et c'est tout. Voilà, les autres matchs sont déjà finis. Et l'Arménie, donc tout à l'heure, a perdu, on le disait. Il y aura encore des matchs demain pour la suite de ce groupe D. Pour l'instant, c'est Croatie-Turquie. Le groupe E, c'est l'Albanie qui est leader hein, pour l'instant, avec 10 points. Assez surprenant, mais c'est un groupe qui est très homogène, puisqu'il y a la République tchèque, la Moldavie, la Pologne et les îles Féroé. Alors, la Pologne sont un peu décevants. 6 points seulement. Quatrième. Ils ont été battus par l'Albanie 2-0. Voilà pourquoi l'Albanie est toujours en tête. Et demain, encore deux nouveaux matchs. Donc, dans ce groupe, qui est le groupe E. Le groupe F, c'est la Belgique, qui est leader aux côtés de l'Autriche, 10 points. Voilà, ça va aussi bien pour la Belgique. Une victoire 1-0 face à l'Azerbaïdjan, ça a été serré. Ça suffit, petite victoire. Et ils rejoueront face à l'Estonie demain. Et pour l'instant, ils dominent ce groupe aux côtés de l'Autriche. Le groupe G, c'est la Hongrie et la Serbie, pour l'instant, qui sont... qui domine ce classement-là. Monténégro derrière, ça aussi, c'est très homogène. Hein. Bulgarie, Lituanie, Monténégro, Serbie, Hongrie. Voilà, c'est super homogène. Il y aura des matchs encore en fin de semaine. C'est fini pour ce groupe-là. Ce sera en octobre maintenant. Le groupe H, c'est celui-ci qui est le plus serré. Hein. Slovénie, Danemark, 13 points. Finlande, Kazakhstan, 12 points. C'est ultra serré. Ouais, c'est clair. Encore les 4 qui sont en lice. Donc, Puis c'est homogène. Ouais, c'est clair. Hormis Irlande du Nord et Saint-Marin qui sont nettement en dessous, mais sinon les quatre, voilà, tout le monde peut se qualifier. D'ailleurs, j'allais dire que c'est un peu étonnant de la part de l'Irlande du Nord, parce qu'on, je sais pas si tu te rappelles, mais on les avait vus un peu stupéfiants lors de l'Euro 2016. Hein. Je sais pas si tu te rappelles en France, oui. Mais oui, c'est vrai. Là, c'est vrai. Ils sont retombés un peu dans le, ouais, dans. Ben, un peu dans le, ouais, dans l'oubli, quoi. Ouais. Bon, c'est dommage pour eux, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, ouais. Sont faibles, plus faibles que les quatre devant. Ouais. Ensuite, on a la Suisse qui est en tête dans le groupe I. Là aussi, c'est assez homogène. Suisse, Roumanie, Israël, Biélorussie. Bon, Kosovo, Andorre qui est un petit peu en dessous, mais sinon, c'est quand même assez homogène. Donc, la Suisse, pour l'instant, est en tête. Après, Biélorussie, ça a l'air compliqué aussi, quand même. Hein. Oui, Biélorussie, ça reste compliqué. C'est surtout Suisse, Roumanie, Israël qui semblent plutôt être devant, normalement. Et enfin, le groupe du Portugal, donc, qui est en tête pour l'instant, qui prend le temps de gagner 4-0, donc normalement ça devrait rester en tête. Hein, En même temps, le Portugal, là, on dirait que c'est 6 matchs, 6 victoires, ouais. 18 points donc, et plus 19 de collatéral. 19 buts marqués et 0 encaissés. Hein. Bah, donc, bon, c'est pas trop mal. Hein. Bah, ça, oui, c'est pas mal du tout. Donc, pour l'instant, c'est pas dégueu. Là, c'est, donc là, comme c'est un groupe à 6, donc tout le monde a 6 matchs, hein, pour l'instant. Portugal, 18, Slovaquie, 13, pour l'instant, en direct, Luxembourg, 10, et puis ensuite Bosnie, Islande, Liechtenstein. Donc, tout ce groupe-là joue en ce moment, et la Slovaquie mène 3-0, donc ça devrait aussi rester comme ça. Il n'y a que l'Islande, Bosnie, qui peut encore bouger jusqu'à 0-0. Alors, juste, j'ai pas le match devant les yeux, mais 5-0 pour le Portugal, but de Diogo Jota. Ah oui, ça y est, à l'instant, ouais. Exact. Donc là, on est à plus 20 de différence de but. Ah ouais, ça y est. Une fin but marqué, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est un groupe qui est alors, relativement facile, quand même. Il y a vraiment pas grand monde. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Et du Stenson, c'est l'inverse. 0 point, 1 but marqué, 19 encaissés. C'est tout l'inverse. C'est pas top. Non, c'est pas fou. Hein. voilà, donc ça, c'est ce dernier groupe-là, le groupe de 6. Donc là, tout le monde sera à jour à la fin de ce match. Puis Pays de Galles toujours 1-0. Et Orléans qui a égalisé face au Mans, 1 partout désormais. But juste avant la pause. Et on est dans le temps additionnel, 45 plus 9. Il y a du temps additionnel, hein, beaucoup maintenant. C'est fou. Hein. Et donc, pour l'instant, ça fait 1 partout. Voilà pour les qualifs de l'Euro. Demain, donc France-Allemagne, ce sera sur TF1 pour suivre ce dernier match de cette trêve. Donc c'était pour l'Allemagne, Pologne, Colombie, hein, les défaites et le Japon, donc 3 défaites en 3 matchs. Ouais. Pour le moment, mais attention, on n'enterre pas les Allemands, ils sont toujours là. Ouais. Voilà pour cette trêve internationale. On va revenir tranquillement sur nos championnats. Le temps juste de parler rapidement des tirages au sort des Coupes d'Europe. On va en parler rapidement et revenir ensuite vraiment dans les championnats. Très rapidement, qu'est-ce que tu penses dans des tirages? On va parler d'abord de Paris. Qui donc se retrouve dans un groupe composé, le temps de le trouver parce qu'il y en a beaucoup évidemment, de Newcastle, de Dortmund et du Milan AC. Bah honnêtement, je vais dire l'expression que tout le monde dit, mais c'est un peu le groupe de la mort finalement, parce que oui, forcément, on voit que c'est des gros clubs, hein, le Milan AC, le Borussia Dortmund. Même Newcastle oui. Devient une très bonne équipe de première ligue, même s'ils déçoivent un peu en ce début de saison. Newcastle, il faut quand même faire attention. Milan aussi. En plus, Milan-PSG, c'est une affiche qu'on n'a pas vue depuis presque 20 ans, je crois. Oui, c'est vrai, ouais, c'est comme ça fait. Et donc, c'est intéressant aussi comme match, hein, parce que voilà, PSG-Dortmund, on l'a vu en 2020, en 8e de finale, qu'il y avait encore Haaland et que le PSG, pendant le Covid, le début du Covid, a su. Répondre au Borussia, mais non, ça va être de très belles affiches avec des équipes plus ou moins en forme, donc ça va être très très intéressant. Alors vraiment les 6 matchs, hein, les 6 matchs vont être très intéressants aussi pour le PSG. Ouais. Cela dit, je reste persuadé que évidemment le PSG reste le grand favori de ce groupe, hein, malgré les départs de Neymar, de Messi, etc. Je reste persuadé que le PSG a un meilleur effectif déjà sur le papier et même au niveau de leur jeu en championnat, en Ligue 1. Par rapport à Dortmund, en Bundesliga, à Milan, en Serie A, à Newcastle en Première Ligue, je pense vraiment que le PSG a un meilleur jeu, a un meilleur effectif. Donc je pense que le PSG, honnêtement, va se qualifier en 8e de finale. Voilà. Après, est-ce qu'il va finir premier ou pas, je ne sais pas, mais ça reste le favori de ce groupe. En tout cas, voilà, ça va être vraiment très très intéressant à suivre ces 6 matchs. Premier match, ça démarre la semaine prochaine, hein, ça va vite arriver. Ce sera le Borussia Dortmund. Donc qui recevra, qui ouais. déplacera au à Paris, parc. Au parc, au exactement. Lens de son côté, pardon, va donc jouer face à Arsenal, qui était évidemment le gros tirage à éviter, le PSV Eindhoven et Séville. Alors voilà, Paris, je suis très excité parce que ça va être que des grosses affiches. Lens, c'est la même chose. Ouais. Alors pourquoi? Parce que bah, Arsenal, voilà, et depuis une ou deux saisons, ils reviennent vraiment parmi le top 4 de Première Ligue. Donc Arsenal, ça va vraiment être très très très compliqué, hein, contre Arsenal. Contre le PSV aussi, le PSV qui a une très très bonne équipe cette saison aussi. Ils ont vraiment des très bons joueurs. Ça va être très compliqué à jouer contre le PSV qui est en forme aussi en championnat. À la limite, voilà, c'est Séville, le tenant du titre, pardon, de l'Europa League. C'est à la limite le match presque le plus prenable dans ce groupe, et ça va d'ailleurs être le premier match, hein, pour Lens à Séville. Oui, c'est vrai, c'est la semaine mercredi prochain. Oui. Voilà, Séville-Lens, c'est à la limite le match qu'il faut gagner déjà pour commencer. Bah, oui, oui. Ça reste un groupe quand même assez compliqué. Et Séville est le plus prenable, voilà. La saison dernière, ils ont fait que des contre-performances en championnat. Certes, ils ont gagné l'Europa League encore une fois, mais ça reste une équipe assez faible, hein, depuis quelques saisons, on va dire. Et même là, en début de saison, ils sont pas très bons, ils performent pas trop en Liga. Donc non, c'est le match qu'il faut gagner déjà, le premier, alors, non seulement pour se mettre en confiance, mais donc parce que selon moi c'est l'adversaire entre guillemets le plus faible, même si je pense que ça reste au-dessus du RC Lens. Mais c'est là où il va falloir vraiment aller chercher la gagne et pas rester bloqué en défense comme notre équipe française aime faire, avec un bloc bas. Mais on sait que le RC Lens, c'est pas son ADN, en tout cas depuis qu'on les a revus en Ligue 1. Donc je crois en eux. Honnêtement, si je devais prononcer un pronostic, ce serait que Lens finisse troisième quand même et soit reversé en Europa League. Mmh, ouais, ce serait bien. J'ai du mal. Ouais, c'est très déjà bien. J'ai du mal à croire qu'ils arrivent à passer quand même en huitième de finale, mais j'espère vraiment qu'ils arrivent au moins en Europa League. Je pense que c'est un objectif prenable quand même, mais ça va être compliqué quand même pour l'Arsenal, ça c'est sûr. Après la perte d'Openda et de Fofana, ça va être quand même compliqué. Ouais, bon, donc mercredi prochain déjà le premier match. Rapidement, Ligue Europa, le groupe de Marseille avec Brighton, l'Ajax Amsterdam et l'AEK Athènes. Un groupe plutôt homogène quand même, je trouve. Ouais, t'as tout dit. Brighton qui, pareil, depuis l'année dernière, vraiment montre que c'est une très très belle équipe hein, de Premier League. Bon, évidemment, c'est peut-être pas partie du Big Five ou du Big Six, mais pas loin. Pas loin, parce que Brighton, c'est une très très belle équipe hein, ouais, depuis la saison dernière. Il va vraiment falloir faire très attention et être très bon contre cette équipe-là. Et j'en vais déjà contre toutes. La UK Athènes, bon, bah, voilà, hein, on connaît les clubs grecs. Hein, le Panathinaikos, mais... Ouais. Qui va éliminer par eux en éliminatoire pour la Ligue des Champions. La UK Athènes, pardon, c'est pareil, c'est des supporters très très chauds. C'est voilà, c'est la Grèce. Alors à la limite, ben voilà, le premier match c'est contre l'Ajax. L'Ajax qui est un peu en difficulté en début de saison en championnat des Pays-Bas. Donc à la limite, c'est là qu'il faudrait grappiller les premiers points. Faudrait gagner ce match-là parce que l'Ajax, ouais, un mauvais début de saison, j'allais dire, parce que ils sont pas très très mal classés, mais du point de vue de l'histoire de l'Ajax, c'est bon, soit historiquement et même récemment, voilà, l'Ajax c'est pas un très bon début de saison, donc à la limite c'est vraiment l'équipe à prendre là la semaine prochaine, donc oui, c'est ça. À l'extérieur sera Amsterdam, et voilà, faut commencer par marquer là, parce que l'OM on reste quand même, je trouve, une bonne équipe sur le papier, donc voilà, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Pour moi, la UK Athènes reste au-dessous de nous sur papier. L'Ajax, oui, ça reste homogène comme Brighton, mais je pense qu'on a des qualités supérieures, honnêtement. Même si, voilà, on sait qu'avec les clubs français, c'est pas toujours simple en Coupe d'Europe. On a Toulouse, là, qui a tiré le gros lot, hein, Liverpool, quand même, qui va, ça va être sympa, en tout cas, de jouer Liverpool. On a ensuite le club de l'Union Saint-Gilloise, qui est un club belge. Et enfin, le club de Linz, qui est un club autrichien. Oui, c'est ça. Donc, deux clubs un petit peu méconnus. Enfin, bah, pour moi, je ne les connais pas trop. Et puis, bah, Liverpool, qui est le cador, hein, évidemment, qui sera les gros matchs. Ouais, ben, forcément, ce sera une belle affiche hein, pour le TFC. Bon, voilà, on ne sait pas trop d'illusions, même si, bon. Voilà, une surprise, ça arrive. Ça peut arriver. Ça arrive dans le foot. Mais bon, on sait pas, c'est une illusion. Je pense que vraiment, voilà, le TFC, c'est vraiment extrêmement en dessous de Liverpool. Oui, ah bah, clairement. Oui. Voilà, bon, ce serait pas une surprise si le TFC prenait 0 points en 2 matchs contre Liverpool. Oui, oui, oui. Et ce serait pas une contre-performance. Non. Mais il faudra gagner les deux autres, quoi. Mais voilà, faudrait performer contre Linz et puis et j'ai oublié l'Union Saint-Gilles, ouais, Saint-Gilloise. Ouais. L'Union Saint-Gilloise, ça va être compliqué aussi parce que vraiment c'est une très très bonne équipe de Belgique qui a fait une très bonne saison dernière et qui commence pas trop mal cette saison-là. Donc ça va être compliqué aussi, mais va falloir justement jouer ce match à fond. Je pense que l'Union Saint-Gilloise, c'est vraiment le match où faut se montrer, faut montrer les crocs. Presque encore plus contre Liverpool parce que ouais, Liverpool ça paraît presque inatteignable, ouais, comme on l'a dit, donc ouais, non, ça va être pareil, de très belles confrontations. Et puis Rennes, bah tiens, qui va retrouver Rennes? C'est le Panathinaikos, dis donc, qui va trouver un club français. ouais, le bourreau des Marseillais, de nos Marseillais. Voilà, Rennes, Panathinaikos, Villarreal, Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa qui est un peu habitué aussi aux compétitions européennes. Ça fait quelques années maintenant, ouais. On les a vu avec des champions il y a un an, deux ans contre le PSG. C'était un an, je sais même plus. Même semble que c'était la saison passée en phase de poule, ouais. Ouais. Donc, ça reste quand même un club prenable, certes, mais qui connaît bien la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe. Donc, il faut aller chercher aussi cette victoire-là, même Villarreal. Qui a gagné c'était l'Europa League ou la conférence il y a deux ans Europa League c'est une bonne question que tu me poses là. Je te redis ça dans 10 secondes le temps que je regarde. C'était l'Europa League en 2021 qui avait battu United au tir au but, ouais, qui était interminable d'ailleurs une séance. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà, ça reste des équipes. Villarreal n'est peut-être pas forcément autant habitué aux Coupes d'Europe qu'un Séville, par exemple, en Espagne, mais ça reste une bonne équipe aussi à battre, qui je pense qui est du niveau de Rennes aujourd'hui. Donc, ça va être pareil, un groupe assez homogène, ouais, honnêtement, comme tu le dis beaucoup. Là, je pense que c'est vraiment un groupe homogène, donc, mais je pense qu'il y a la place pour Rennes aussi. Donc, franchement, que Rennes ne finisse pas dans les deux premiers, ce serait vraiment une vraie déception, encore une fois. Oui, ils ont les moyens de se qualifier normalement. Après, clairement. Et puis enfin, en Europa conférence, en Ligue conférence, en Europa League conférence, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Enfin, dans la dernière Coupe d'Europe, c'est Lille qui s'est qualifié, une extrémiste s'est qualifié. Et alors là, c'est bon, des clubs qu'on va beaucoup moins connaître. On a Ljubljana, donc Olimpia Ljubljana, le club slovène. On aura Bratislava, qui club slovaque. Et enfin, on a le club des îles Féroé, Klaksvík même, pardon, que je ne connais pas du tout et qui s'est qualifié, je crois, en passant par les barrages même. Donc, pour le coup, inconnu au bataillon. Donc là, Lille, normalement, doit sortir là, hein. Sortir de ça. Hein. Bah ouais, normalement, Rémi, normalement, mais voilà, on l'a vu encore une fois lors de leur tour de barrage, rien n'est jamais sûr avec le club français. Donc, oui, oui, sur le papier, mais ils doivent mettre 5-0 à chaque équipe, ça c'est clair. Mais on connaît la pression des matchs européens, on connaît aussi ces clubs-là qui ont une certaine ferveur de par leurs supporters, de par cette envie qu'ils ont justement, comme ils sont rarement, entre guillemets, en avant en Coupe d'Europe. Voilà, on sait que ça peut être compliqué pour le LOSC, mais oui, évidemment, sur le papier, le LOSC doit finir premier avec 18 points. Ouais. Avec une différence de plus 10 minimum, quoi. Mais ça, c'est certain. Ça, c'est sur le papier. Sur le papier, mais voilà, on le sait que avec le club français, c'est toujours compliqué et c'est bien ça qui est dommage et qui est presque honteux, quoi. Bah ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc, il démarrera aussi, mais mercredi par contre. Enfin, jeudi. Je sais pas ouais, c'est mercredi, ouais. Ouais. Ouais. Et puis à 16h30, ça devrait un peu inhabituel. Il doit y avoir une raison, mais on la connaît pas. Mais en tout cas, ils joueront à 16h30. C'est très... Ah, mais il n'y a pas du rugby à Lille. Peut-être raison, mais est-ce qu'ils feraient deux matchs d'affilée, même foot et rugby, la même journée? Je sais pas. Non, mais je pense que le rugby, ça doit être plutôt un peu plus tard. Ça doit être un peu plus tard dans la semaine, non? Ouais, t'as raison, c'est peut-être possible. Faudra vérifier, mais t'as peut-être raison. Ouais. Alors, le stade Pierre-Mauroy, c'est sûr, ils accueillent du rugby. Ouais. Mais du coup, à mon avis, il doit y avoir un match peut-être le vendredi ou le samedi, et c'est pour ça qu'ils doivent jouer le mercredi après-midi pour avoir le temps de remettre le terrain en ordre. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc, ce sera mercredi. Et mais on en reparlera lundi prochain. Et on n'en a pas parlé, mais du coup Marseille ici, on a dit que se déplacer à l'Ajax. Et puis les autres, donc Toulouse ira en Belgique, et enfin Rennes recevra le Maccabi Haïfa. Mais ça, on en reparlera aussi lundi prochain. Tiens, rapidement aussi, le président de l'OM, Pablo Longoria, qui a été élu membre du conseil d'administration de l'Association européenne des clubs. Ça, c'était la semaine dernière. Et il avait été déjà élu. Avec un Real IFI, hein, c'est ça? Oui, exactement. Il était déjà, lui, Pablo Longoria, au conseil d'administration de la LFP. Et désormais, il sera au niveau européen. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir un représentant français au sein de cette association européenne. Voilà donc pour la petite info. Refermons cette page européenne. On la rouvrira lundi prochain, bien sûr, puisque ce sera la semaine européenne. Revenons dans les club français. Avant ça, qu'est-ce qu'il y a qu'à me dire? Ah oui, 6-0, ça a encore bougé le Portugal, disons. Ouais. Enfin, de Ricardo Horta. Ouais. 73e, Slovaquie 3-0 toujours. Islande Poznań, c'est vraiment une pioche, il y a toujours 0-0. Et Orléans qui a pris un nouveau but, malheureusement, 2-1, 55e. Ouais. Ça se corse. Ouais. Très bien. Donc, je disais, revenons donc en France avec les championnats. Tiens, rapidement aussi, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'on a des matchs intéressants cette semaine en Europe quand même? Parce qu'on savait qu'on n'a pas parlé depuis un petit peu des matchs européens. On a Bayern Munich, Bayern Leverkusen qui est pas mal vendredi. On a du côté de la Bundesliga. C'est clair, ouais, vraiment gros match. Hein. J'ai envie de dire là en début de saison, c'est presque plus intéressant qu'un Bayern Dortmund. Leverkusen, oui, ah bah oui, gros, clairement, oui. Ouais, un gros début de saison, et justement, je l'ai dit il y a deux, trois semaines maintenant, ici, sur cette antenne, Leverkusen, attention, cette saison, c'est très, très... Peut faire mal, oui. Vraiment, là, oui, c'est presque un classico. Ouais, déjà. Ouais. Les deux ont tout gagné, ouais, pour l'instant. Ouais. Match à suivre, oui. Donc vendredi, en ouverture de la deux journées, en Espagne, non, il n'y a pas de gros, enfin, il n'y a pas de grosse affiche. Ça reste intéressant, mais il n'y a pas de grosse confrontation. Valence Atlético, on a Real Sociedad, et on a Barça Betis Séville. Ouais, il n'y a pas de grosse affiche. Par contre, en Italie, on a deux grosses affiches dès samedi. On a à 15h, Juventus Turin, Lazio de Rome. Voilà. On enchaîne dans la foulée à 18h, Inter Milan, Milan AC, le derby milanais, du côté du stade. Alors, derby milanais, alors du coup, c'est à l'Inter, oui. Ouais, donc c'est. Donc c'est le stade. Oui, vas-y. Bah, c'est pas San Siro, du coup. Non, c'est pas San Siro, c'est. C'est l'autre. Meazza. Voilà, Giuseppe Meazza, exactement. Voilà. Et justement, les deux Milan qui sont les deux seuls premiers de la Serie A, hein, avec 9 points. En plus, oui, c'est les deux clubs qui ont tout gagné. Donc, c'est, on a une grosse affiche entre leaders en Allemagne, on en a une en Italie aussi. C'est samedi 18h. Donc, juste avant, il y a Juve aussi, Lazio. Et puis, il y a Genoa-Napoli. Si vous voulez finir la journée avec le Napoli aussi, bah, ce sera samedi. Et le dimanche, jouera la Roma face à Empoli. Voilà. Les affiches en Italie, c'est sympa aussi. Et en Angleterre, on n'aura pas de confrontation entre Cadors, mais voilà, tout le monde jouera samedi, notamment Liverpool, City, United joueront samedi. Tottenham. Justement, oui, on n'a pas de grosse affiche avec des Cadors, mais ce que j'ai envie de noter, Manchester United contre Brighton. Brighton, prochain adversaire de l'OM en Europa League. C'est vrai, c'est intéressant. Voilà, justement, match intéressant, quand même à suivre. Si on devait choisir, voilà. Ou même West Ham, Manchester City. Hein. Manchester City, évidemment. Ce sera la même heure, ça sera 16h. Et West Ham qui commence bien sa saison, ça peut être un beau match aussi. Ouais, c'est la même heure, comme tu dis. On va choisir. United, Brighton et West Ham contre City, c'est deux beaux petits matchs à suivre quand même. Et puis dimanche, Chelsea, Arsenal joueront. Jouons Bournemouth et Everton respectivement. Voilà les programmes du week-end en Angleterre. En France, pour finir, revenons sur le championnat national. Donc en direct, on le dit, Orléans qui joue. Le Red Star a gagné tout à l'heure, donc qui a gardé la tête du classement avec 12 points pour l'instant en 5 matchs, juste une défaite mais 4 victoires. Châteauroux, Dijon sont juste derrière. On a le Gaul FC. Le Gaul FC, c'est le Grand Ouest Association Lyonnaise. Cap de. Dans les Lyonnaises, ouais. Voilà. Martigues aussi 8 points. Niort 8 points. Villefranche 8 points. Ouais, beaucoup d'équipes à 8 points. Là, il y a 6 clubs à 8 points. Et Orléans qui est loin, hein, qui est 15e pour l'instant avec 3 points. Il faudrait. Ça serait bien de gagner ce soir. Pour l'instant, ça part assez mal. Et d'ailleurs, le Red Star qui pourrait perdre son entraîneur, là, dans quelques jours, peut-être. Hein, oui. C'est vrai. Parce que l'entraîneur du Red Star est Habib Bey, hein, l'ancien joueur de l'OM dans les années 2000, et qui est pour l'instant pisté par l'OL pour remplacer Laurent Blanc. Bah, justement, oui. Il y a Habib Bey qui est pisté, il y a Gennaro Gattuso, je n'oublie rien, il y a Gelsner, si je le pense. Pas trop mal, ou Gavner, je sais plus comment l'entraîneur anglais, mais voilà, Habib Bey qui est dans les petits plans de l'OL pour remplacer Laurent Blanc. Bah ouais, c'était une info qu'on voit là, justement, Laurent Blanc, oui, mais, qui est sans trop de surprise remercié, on va dire. Mmh. Ouais, depuis vendredi, hein, il paraît. Ouais, ça fait un petit peu, hein, officiellement, c'est récent, mais c'est. L'équipe a sorti ça là aujourd'hui ou hier, mais. Il paraît quoi, Laurent Blanc a été remercié vendredi dernier, du coup. Alors, ça n'a pas été sorti directement après, en tout cas, mais. C'est resté secret, oui. Voilà, selon l'équipe, c'est sorti hier, donc Laurent Blanc aurait été remercié dès vendredi, parce que on a su, du coup, hier que, voilà, Lyon avait approché Habib Bey et Gattuso, et on se disait, ben, voilà, bon, ok, ils veulent se séparer de Laurent Blanc, mais ça ne fait pas trop d'aller rencontrer d'autres entraîneurs alors que Laurent Blanc est encore là, mais finalement Laurent Blanc serait plus là du coup officiellement. Oui. C'est un peu le bordel. Un peu le bordel. C'est Lyon, hein. C'est Lyon depuis plusieurs années, enfin plusieurs mois en tout cas. Ouais. Bah écoute, on verra qu'est-ce que. Mais en tout cas, il faut trouver quelqu'un rapidement parce que. Bah il faudrait. Ouais. Ça arrive vite, hein, championnat. 7-0 pour le Portugal. Hein. Ah oh, dis donc, bah alors ça s'arrête plus. Doublé de Jota, ouais. Ah, incroyable. Et puis en national, donc la sixième journée, ce sera vendredi. Orléans ira à Avranches pour essayer de gagner. Ce serait bien quand même qui est 8e pour l'instant. En Ligue 2, pour le moment, alors ça va pas jouer, hein, mais ça va reprendre. C'est Caen et Amiens qui sont en tête avec 12 points. Et Laval est 3e avec 10 points. Auxerre est pas très loin, 8 points, 5e pour l'instant, hein, qui vient de redescendre, on le rappelle. En revanche, Saint-Étienne, ça va pas bien, 5 points pour l'instant. Bordeaux, 6 points. C'est pas super pour eux pour l'instant, mais il reste beaucoup de journées, évidemment. 6e journée, samedi et lundi. Prochain, ce sera Guingamp-Ajaccio qu'on poursuivra en direct. Et bien sûr, en Ligue 1, terminons avec notre championnat. Un rappel des scores des pronostics d'abord, de la 4e journée, puisqu'on ne s'est pas revu. Alors, est-ce qu'on fait un parallèle avec de l'autosportif ou quoi? Ah oui, non, mais c'est ça justement. C'est ça, okay, c'est ça que je donne, c'est les résultats du pronostic. Okay. La 4e journée, large victoire de Rémi, 6-2. Je te félicite pas, t'as marqué 2 points. Ouais. Ah oui, c'est effrayant. Oui, oui, alors attends, mais j'ai encore eu le bon score au dimanche soir. C'est pour ça que t'as 2 points, sinon t'avais qu'un point. Ça fait 2 fois d'affilée, non mais voilà. Oui, c'est vrai, ça j'étais pas loin, j'avais mis 3-1 moi, mais il a manqué un petit. Bon, attends, on va faire dans l'ordre. Fais dans l'ordre, vas-y. Alors, Nantes-Marseille, voilà. Match nul. Ouais, moi j'avais mis l'OM. On a mis Marseille. Brest, Rennes, match nul. Ouais. J'avais mis match nul. Monaco-Lens, t'avais pas fait confiance au Monégasque, que j'avais mis, moi, ça fait un point. Ensuite, on a, il faut tous les deux Toulouse-Clermont. Je sais plus ce que ça donnait d'ailleurs. Toulouse-Clermont, j'avais mis victoire de Toulouse, il y a eu 2-2. Voilà, moi aussi j'avais mis victoire de Toulouse. Lille-Montpellier, eh bien Lille a gagné, on n'avait pas fait confiance aux Lillois ni toi ni moi. Ouais. Donc on n'a pas pris de points. Le Havre-Lorient, Lorient a gagné. Et t'avais mis nul. Tout à fait. Ouais. Metz-Reims, match nul. Et t'avais mis Reims. Voilà. Ouais. Nice-Strasbourg, c'est les Niçois qui ont gagné. J'ai fait confiance à passé. Et t'avais mis Strasbourg. Et puis Lyon-Paris. Ouais. Alors, il y a eu 4-1. J'avais pronostiqué 4-1. Ça vaut 10 points. Ça vaut 10 points. C'est un point bonus déjà. Et t'en sors bien que. Attends. Ça vaut 10 points. Un score comme ça. Et heureusement que Lyon a marqué à la fin bêtement, là. But à la. Et alors, peu importe, c'est le score. Oui, c'est le score. Ouais. Ouais. Ça fait un point de plus. Sinon, tu prenais un point sur 9, ce qui est vraiment lamentable. Je préfère le dire. Enfoiré. Moi, 6 sur 9, c'est quand même propre. Hein. Oui, mais 4-1. Faut le trouver, 4-1 quand même. C'est pas un score qui passe tous les jours. Hein. 4-1, on le mettait très souvent avant. Je me rappelle. Non. C'était le score, le 4-1 des familles, et il passait souvent. Donc tu pourras le remettre sur. Et je suis sûr qu'il passe souvent. Ouais. Bon, voilà, donc les résultats de cette quatrième journée de pronostic. Donc pour l'instant, 2-2. 3-3 au classement. Ok. Ah bon? Ouais, parce qu'on en a gagné, deux à égalité, donc fait 3 chacun. Ok. Ok, on va maintenant pronostiquer la 5e journée. C'est parti avec 7-0 Portugal. Je l'ai déjà dit, non? Oui, on l'a dit avant. Je sais que je sais plus. Je sais plus. Suivre, monsieur. Je sais plus où on est à force. Trop de buts là. Oui, ça a pas bougé dans les autres matchs pour l'instant. Ensuite, donc le classement, le classement, on peut en parler quand même, mais on va en parler en même temps qu'on va pronostiquer. Donc c'est parti pour les pronostics de la 5e journée. Vendredi, c'est Paris qui va ouvrir le bal et qui reçoit Nice. Paris est 2e, Nice est 8e. Ce sera au Parc des Princes. Je commence, je veux dire, sans surprise, hein, le PSG. Hein. Ouais, moi aussi, ouais. Sans problème, normalement. Ouais. Normalement. Pas de raison. Samedi, on aura 17h, Rennes, qui est 7e, qui reçoit Lille, 6e. Voilà, un tout petit point, on les sépare. Et, je vais mettre Rennes, moi. Je te suis. Allez. Je te suis, je mets Rennes aussi. À 21h, on aura Lens, qui est 17e, avec un point seulement, qui va recevoir Metz, qui est 13e. Moi, je vais mettre le réveil lensois. Figure-toi que j'y ai pensé, mais en même temps, je sais pas, Metz, alors déjà au début de saison, je les voyais vraiment pas autant survivre, entre guillemets, mais j'ai envie de croire quand même à une une petite victoire Messina. Allez, bon bah pourquoi pas. Je tente. Ouais. Tu tentes. On poursuit avec dimanche maintenant à 13h. Lorient 11e qui reçoit Monaco, leader avec 10 points. Moi je vais mettre Monaco. Eh ben, tu mets Monaco, moi je mets match nul. Allez, là, tu mets jamais Monaco, je crois. Hein. Pour l'instant, tu les as pas mis beaucoup. Hein. Ah, non, si. Mais c'est vrai que Monaco, honnêtement, hein, me surprend depuis le début de saison, mais je j'arrive toujours pas à avoir la. Tu les as mis qu'une fois. Hein. Bravo. Avoir confiance en cette équipe. Je sais pas, vraiment, 2017, j'étais vraiment émerveillé par cette équipe. Mais depuis, j'ai été tellement déçu que j'arrive pas à me remettre dedans, tu vois. Je sais pas si. Je sais pas si elle va comprendre. Ben, si, mais ça a été des saisons dures et compliquées, mais. Ouais, donc j'arrive pas quand même à me remettre dans la tête que Monaco peut être une très bonne équipe dans la durée. Et donc, pour moi, je sais pas. Pour moi, je vois le match nul. Voilà. Ben, pourquoi pas, mais ils vont finir par perdre aussi. Ça va arriver. Hein. Peut-être pas. Pourquoi? J'ai jamais vu d'équipe invaincue en Ligue 1 jusqu'à maintenant. Ah, ben, en Ligue 1, oui. Après, Arsenal l'a fait en 2004. Oui, Arsenal. Ah oui, d'accord, mais bon, pourquoi pas. Après, si tu joues au foot pour perdre... Ah ben, on est d'accord, mais... Voilà. Donc, bon. Voilà, moi, je vois le match nul. Allez, c'est bon, après, c'est noté. À 15h, on aura Reims, qui, je ne trouve pas, qui est quatrième. Ah oui, c'est pour ça que je ne trouve pas, parce qu'ils sont hauts quand même, les Rémois. Et, ouais, ils sont hauts, ouais. Et, ouais, et Brest, qui est pareil, cinquième avec 7 points. C'est un match de haut de tableau, je vais mettre match nul, moi. Bah, pareil, je vais pas mouiller, hein, match nul. Ah, je sais pas combien t'as tué. Ouais. Ensuite, on a toujours à 15h Strasbourg, 9e, qui reçoit Montpellier, 14e. Deux petits points d'écart. Je vais mettre Strasbourg, moi. Parce que je sais pas combien t'es, en fait. Bah, moi, à l'inverse, je vais mettre une courte victoire de Montpellier. Ouais. C'est noté. Tour 15h, Clermont, qui est 16e, un point seulement, qui reçoit Nantes, qui est guère mieux, hein, 15e avec 2 points. Ouais, bah moi je vais mettre une courte victoire aussi, je pense, en tout cas de Clermont. Je pense que Clermont va gagner. Moi je vais mettre match nul, je sais vraiment pas quoi mettre, donc je vais mettre match nul. Ouais, ok. Ensuite, on a à 17h Marseille, 3e, qui reçoit Toulouse, qui est. 12e, ouais, ils sont là. 12e, ouais. Marseille pour moi. Bah ouais, moi aussi, hein. Moi aussi. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, en fait, ouais, tu peux déjà te mettre Marseille tous les matchs jusqu'à la fin, non? Presque. Bah, c'est comme toi avec Monaco, hein, Rémi. Non, bah oui, c'est ça. Non, honnêtement, j'essaie de rester objectif, mais je pense quand même que sur papier, par rapport à Toulouse, même si Toulouse reste une belle petite équipe, je pense que l'OM, on reste vraiment quand même au-dessus. Voilà, au niveau de l'effectif, donc à chaque fois, ce serait une désillusion de ne pas gagner, quoi. Je mets Marseille. Ok, c'est bien noté. Et enfin, 20h45, on aura Lyon, dernier, hein, avec un point, qui reçoit Le Havre, 10e. Et moi, je vais mettre. Ah, il faut un score. 2-1 pour Lyon, allez, je pense qu'ils vont. Ils vont bien finir par gagner, de toute façon. Hein. Pourquoi pas là? Ouais, c'est marrant, j'avais fait le pronostic, pareil, du score exact il y a quelques minutes. À l'inverse. Et justement, j'avais mis 2-1 pour donc je vais pas faire de suspense, hein, je vais mettre 2-1 comme toi. Bon, écoute, ouais. On sera pas départagé sur celui-là déjà, mais voilà. C'est pas grave. Ok, c'est noté. On a quand même 5 qui sont pas dit, voilà, qui sont différents, donc ça va. Ok, on verra si c'est bien 2-1. Est-ce que Lyon va se réveiller? On suivra ça dimanche. Ok, c'est tout bon. Quoi d'autre? C'est tout? C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Il est tard, hein. Il faut se coucher, monsieur. Il va falloir se coucher. Les matchs qui se terminent presque partout, hein. On va pas aller au bout puisqu'il reste quelques minutes. Mais ça y est, 8-0 le Portugal. 9-0. Ah oui, j'en ai un de retard, tu vois. But de Bruno Fernandes. Ah oui, 9-0, disons. Les buts de Joao Félix à la 88. Ils vont peut-être aller au 10, hein. Ah, pourquoi pas. Donc là, ils sont à plus 23. Allez dire. Plus 47. Et imagine quand ils vont jouer face au Liechtenstein, ça va être. On n'a pas des équipes comme ça dans notre poule. Liechtenstein, Luxembourg. Ben ouais, c'est vrai. Ben, pourtant, dernièrement, je crois qu'on a joué quelques fois contre le Luxembourg. On n'a jamais mis des scores aussi gros, dans mes souvenirs, au Luxembourg. Mais non, ouais, très beau score. Portugal, ils font plaisir. Ouais, ils soignent la différence de but. Ensuite, on a quoi d'autre? On a je sais plus ce qu'on avait d'autre. Ce soir, il y a du Pays de Galles, oui, qui mène d'un 0 toujours. Du côté de la Lettonie, ça tient pour l'instant. La Slovaquie, l'Islande 3-0, ça devrait pas bouger. Et l'Islande, ça y est, a ouvert le score face à la Bosnie. 91e, et on est à la 95e, donc ça pourrait passer pour l'Islande. C'est fini. Pour l'Islande. Ah, ça y est, bon, bah voilà. Qui ouais. Remonte un petit peu et qui est à 6 points. Donc qui est assez loin quand même. Slovaquie, 2e pour l'instant. Et donc, on a l'USO toujours mené 2 face au Mans. Il reste 20 minutes quand même. Pour essayer de revenir pour l'USO et voilà pour les directs. Et puis tout à l'heure, en début d'émission, c'est l'équipe de France de volley qui s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. Voilà, qui a battu la Roumanie 3-7-0. Donc on retrouvera les Bleus en demi-finale de l'Euro de volley. Voilà, ce sera face à. On n'a pas encore à dire, ce sera soit face à l'Italie. Soit face aux Pays-Bas pour aller se qualifier en finale. Alors probablement l'Italie qui est normalement l'un des favoris, ça veut rien dire, mais en tout cas c'est eux qui partent favoris sur le match. Et ce sera demain leur match aux Italiens. Et la demi-finale, ce sera jeudi. Voilà, pour essayer de se qualifier pour la finale de l'Euro pour les Français. Quoi d'autre cette semaine? On aura, on le disait, tout le foot, on vous a donné tous les matchs de ce week-end en Ligue 1, en Angleterre, enfin dans le reste de l'Europe aussi, évidemment. Toute la semaine, la suite de la Coupe du Monde de rugby, deuxième journée. Voilà, les Bleus démarreront jeudi, puisqu'il n'y aura pas de match avant, face à l'Uruguay. Voilà, on aura Nouvelle-Zélande-Namibie aussi. Voilà, et samedi, dimanche aussi. Il y aura notamment Angleterre-Japon dimanche soir, qui sera intéressant. Donc ça, ce sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les matchs de la Coupe du Monde pour la deuxième journée de cette Coupe du Monde. On aura quoi d'autre? En tennis, c'est la Coupe Davis cette semaine. La France donc jouera dans son groupe face à la Suisse, où sera présent Stan Wawrinka notamment. On aura l'Australie et la Grande-Bretagne avec Andy Murray, un gros groupe pour les Français. Et on a appris que Carlos Alcaraz avait déclaré forfait pour cette Coupe Davis, donc il ne sera pas avec l'Espagne. Oui, voilà. Il est blessé. Il est diminué, on va dire. Voilà, il a après sa demi-finale perdue face à Medvedev, il a préféré pas se faire l'impasse. Ce sera Ramos qui va remplacer Alcaraz. Albert Ramos. L'Espagne devra finir l'une des deux places pour aller chercher le Final 8 ensuite. Et il y avait la Serbie aussi dans le groupe avec Novak Djokovic, pour l'instant toujours annoncé dans le groupe. D'ici là peut-être qu'il décidera de pas y aller, mais pour l'instant il a envie d'y aller, le Serbe. Il a envie de tout gagner et il ira probablement du côté de la Coupe Davis pour se qualifier. Et puis côté de l'Italie, Yannick Sinner et Matteo Berrettini aussi ont déclaré forfait pour l'un qui est fatigué, l'autre qui est blessé, donc eux non plus ne seront pas cette semaine en Coupe Davis. Voilà pour les infos de tennis, pour être complet. La suite du programme, on aura ensuite du volley, je le disais tout à l'heure, avec au moins 2 matchs pour les Bleus, puisqu'il y aura la petite finale ensuite à jouer, donc il y aura au moins 2 matchs encore. On aura un Grand Prix en Formule 1, oui, ça sera la reprise pour ce week-end, avec un Grand Prix du côté de Singapour. Voilà, ce sera le circuit de nuit, la course de nuit dimanche. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, il y a déjà de quoi faire. Et on aura du handball encore avec Saran qui continue avec la deuxième journée de leur championnat. Voilà le programme de la semaine, plein de choses encore. Il me reste à remercier Hugo pour cette émission. Donc merci Hugo. Voilà. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve lundi prochain, du coup, avec une émission à 20h30 toujours, le foot à 21h30. On aura évidemment encore beaucoup de choses à dire. Tiens, on parlait aussi de rugby avec l'équipe de France. Julien Marchand, qui on se rappelle, est sorti blessé face aux Blacks et a une gêne musculaire ischio-jambier. Va repasser d'examen en fin de semaine, hein, puisqu'il est sur un protocole différent et il passera des examens pour voir si sa blessure évolue. On espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible, même si vraiment le plus gros est passé face aux Blacks, évidemment. Voilà pour cette dernière info. On se quitte avec un dernier titre que Hugo a choisi normalement. J'aurais peut-être dû te le dire avant. Non, je me rappelle, je m'en souviens très bien. Je suis un habitué de cette émission. Hein. Ben, évidemment. Toutes les semaines, je suis. Je suis un grand fan. voilà, je suis un vieux. On va se mettre un petit son des années 2000, hein, comme souvent. On va se mettre Memories de David Guetta. Ah oui, c'est très bien ça. Voilà, c'est très bien. Ça, je te laisse te mettre ça. Allez, il fait pleut chez toi, non? C'est comment? Ouais, il fait très très bon. Pour l'instant, pas de nuages, enfin un peu de nuages, mais pour l'instant, pas de nuages. Pas d'orage, bah nous c'est tombé, non, ça va peut-être arriver chez toi, fais gaffe. Ah bah non, j'ai pas. Non. Non, ok. J'ai pas envie. D'accord, bon bah c'est bon, ouais, non alors, ok, ça marche. Allez, David Guetta, Memories, bonne soirée à vous, bonne semaine, et vive le sport, ciao. Salut tout le monde, ciao. Fica a classificação assim estabelecida. Portugal, primeiro lugar.